Bon les gars, moi j'ai un truc à vous dire en tout cas, c'est qu'on va bien rigoler. Moi je pense hein. C'est sérieux là. Non. Moi je rigole pas. Ah je suis sérieux. On est sérieux nous. Si en attendant, on va animer. Ah live, bah non, mais c'est pas ça. On va faire des bêtises. Ah poula cola cola coulou coulou coulou. Ce soir du coup je suis à Barcelone avec les petits gars. Hein. Du coup, à ma droite, on a... Il sort son passeport pour aller au WRG avec nos impôts. Le voleur de plat. Ah non, c'est moi. Ah putain. Bon bah c'est tombé, vas-y, tant pis. Super, mon intro. Le plus français de tous américains, Adrien Penel. Penel. Bonjour, c'est moi. Ah là là, merci. D'être là. Enchanté. De nous représenter. Il demande des vues, mais il demande pas de doigts. Le grand voleur, le grand blagueur, Alexandros Tsouganakis. Merci. Waouh. Enchanté. Voilà, j'ai fait mes petites intros. Très beau. Parfait. Ouais. Très beau. Ok. Bon, bah, c'est cool. Ouais. Du coup, Barcelone, hein, déjà. Déjà, gros Barcelone. Barcelone, très sympa comme ville. Là, j'ai bien zoné aujourd'hui. Ouais, petite balade en skate. Plein de pavés sur les trottoirs au final. Hein. Pas sur la route, mais trottoir. Ouais. En fait, c'est tout le temps pavé sur les trottoirs. Sur les trottoirs. Ouais. Faut skater sur les routes. Ouais. Piste et sur les clubs. Par contre, il y a cher des pistes cyclables, c'est pas mal. Ouais, hein. Pistes cyclables, c'est pas mal. C'est abusé. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qui vous a fait quitter votre pays d'origine? Voilà, là, du coup, on va. Là. Alex, qui vient de Grèce. Alors du coup, moi, il faut savoir que j'étais à Lyon, du coup. 6-9 Latrick. 6-9 Latrick Pello, tu connais, hein. On est là, 6-9. Et le truc, c'est que à Lyon, l'hiver, c'est compliqué de skater, en fait. C'est compliqué de skater. Déjà, il y a moins de communautés, il y a moins de gens chauds et tout. Et puis du coup, genre, le fait qu'il y a une belle communauté ici et un bon temps ici, ça fait vraiment une différence de fou, quoi. C'est ça qui a fait qu'on a bougé, je pense, principalement. Parce qu'on avait plusieurs options. J'ai même pensé à Lausanne, tu vois, au début. Parce que, enfin, déjà tous les gars de Lausanne, c'est grave mes potes. Je leur fais un SO. SO les gars de Lausanne. Mais le problème, c'est que il fait froid, quoi, là-bas, l'hiver. Et tu peux pas skater, je trouve, dans les meilleures conditions toute l'année. Alors qu'ici, c'est vraiment l'avantage. Mais en fait, vous avez su que vous allez faire un... Enfin, quand est-ce que vous avez su que vous allez faire tous les deux ou vous barrer C'était plutôt Argentine Non, c'était avant. Bah, en fait... C'était avant. En fait, on a commencé à en parler l'année dernière. On s'est rencontrés... Enfin, on se connaissait déjà d'un retour qu'il avait fait. Mais du coup, j'ai appris à vraiment le connaître cette année. Parce qu'il est venu en France pendant grave longtemps. Et du coup, on en a parlé pendant l'année dernière, pour se dire peut-être que on serait chaud d'aller s'entraîner ensemble et tout, quoi. Okay. Et du coup de base le projet c'était de faire une skate house, mais on a réalisé que c'était bien plus compliqué qu'on s'attendait. Faire une skate house, ouais, on a un skate appart au moins. Ah ouais, pas house, quoi. Pas house, mais un endroit comme ici. On est chez Quantums, ouais. Merci à Jeanne, SO, et les boys. Ouais, merci à Jeanne d'ailleurs. Mais ouais, on voulait avoir un endroit où on pouvait loger des gens comme toi, loger sans problème, quoi. Sans avoir des colocs qui skataient pas, je sais pas, c'est une ambiance différente. Ouais, de pouvoir faire du média ensemble, accueillir des gens. Mais. J'ai besoin d'embrasser le micro. Mais non, mais surtout, en fait, tu parles, tu fais comme ça, tu parles de ce sens-là, faut que tu parles en même temps. Tu vois, c'est ta suite. D'accord. C'est ta suite logique du nez. Ouais. Imagine un grand pif. Et du coup, ouais, pourquoi toi t'es parti des States of America? Parce qu'en plus, c'est quand même les States, c'est assez connu pour skater, quoi. Enfin, ouais, en tout cas, nous, c'est ce qu'on se dit, quoi. Moi, j'ai grandi en Californie, mes deux parents sont français. Et j'avais fini une stage de mes études et je savais que je voulais partir. Ouais, faire un break. Pas, faire un break. Et je savais que ça allait être en France. Et donc, je me suis dit, je vais partir pour le retour. Et puis, Je vais rester, mais j'avais pas trop de plans. Je savais que j'allais découvrir les villes en France, et puis et les communautés en France, et puis on a réalisé ensemble que Barcelone c'était bien mieux. Ouais. On est resté, on est venu à Barcelone. Ouais, du coup, Barça, c'était. Toi, t'étais chaud aussi pour aller à Lausanne à la base? Lausanne c'était une option. J'aime beaucoup Lyon. Je crois que si c'était pas Barcelone, ça aurait été Lyon. Mais du coup, toi, tu voulais bouger, donc au final. Ouais. Bah ouais, dans tous les cas. En fait, le truc, c'est qu'on on a parlé pas mal ensemble avec Frenchy, mais ce qu'on voulait aussi, c'était avoir une opportunité. Enfin, tu vois, on prenait pas une année pour rien, tu vois. On n'allait pas aller dans un endroit où on allait zoner et tout. On voulait skater à fond. On voulait créer du contenu. On voulait s'investir vraiment, tu vois, s'entraîner. Et ça, on l'aurait pas pu le faire vraiment à Lyon, je pense. Du moins, pas de la même manière qu'ici. Peut-être qu'on aurait été bien par rapport à d'autres trucs. Mais je pense qu'ici, le fait qu'on ait vraiment une grosse communauté. C'est un peu, je trouve qu'en fait Barcelone maintenant c'est un peu le point central du skate européen en vrai. Enfin, cette année du moins, je trouve ça se résume bien à ça, du moins pour la saison d'hiver, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a tout le monde qui vient Mais ici. c'est aussi parce que vous êtes là, quoi. Parce que moi je viens parce que aussi vous êtes là et du Ouais, en coup partie, tu pareil vois, mais genre par exemple, tu Ambroise vois, aussi, t'as je plein de pense. gens qui viennent visiter les Quantums, qui viennent Ouais. visiter la ville. Moi j'ai même des potes qui skatent pas, que je rencontre. Ah ouais, c'est Mais pas mal ouais. ça, ouais. Ouais, Rencontrer des potes qui skatent pas, c'est pas Enfin, ouais, bon, c'est. T'as capté, quoi. mal. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a de plus à Barcelone qu'il n'y a pas à Lyon? Soleil. Ouais. Soleil. Communauté. Soleil, communauté. Fiesta. Ouais, frère. Fiesta à Lyon, quand même. Attends, Ouais, c'est sous-estime pas la ouais, fiesta à Lyon. Hein. non, je suis pas d'accord. À Lyon, on a Pas moins fun, de fun. choix, mais. Le choix est de qualité, je trouve, genre. Ok. Bon, après, moi, j'ai pas fait non plus, frère. Oh, Mais toi, tu oui, connais, mais. toi, Ah oui, non, d'ailleurs. mais Lyon, moi, je suis très bien à Lyon, frère. Pour les soirées, on est bien, hein, gros. Les soirées qu'on faisait chez Jean et tout, là, quand c'était la belle époque, frère, on était tous les 6 avec. Et il y Enfin, a même, il y son avait plus, frère qui bref. va venir habiter avec Et ouais, de moi à fou, ça, c'est Barcelone. incroyable. C'est incroyable. Je t'ai raconté ça ou Oh, pas? non, je crois pas. Hugo Molinaro, c'est un de mes potes. Enfin, SO. c'est surtout le pote de Benji. Ouais, Tahiti. On a commencé le skate ensemble, limite, tu vois. Et bah son petit frère, il va venir habiter avec moi dans la Ah ouais? coloc. Trop bien, Ouais, trop c'est stylé. incroyable, mec, Ouais, c'est fou. On avait Trop fait. bien. Ouais, clairement. Et ouais, du coup, ouais, soirée, non, pas du tout. Hein. Lyon, c'est bien aussi. Hein. Donc, y a pas Après, tu vois, de. c'est quand même différent. Bah ouais, non, mais de toute façon, en vrai, c'est grave. Ici, t'as plus des trucs démesurés, justement, quand je pense. Enfin, tu vois, les grosses boîtes qu'il y a ici comparées Ah ouais? à Lyon, bah ouais, carrément. C'est des gros trucs, genre? C'est Ouais, bizarre, en fait. t'as un truc, c'est 5 salles. Cinq Ah salles, ouais? ouais. Uch. Razzmatazz. Ah, c'est le. Je C'est sais plus qui m'en parlait. Alex. moi, je me suis perdu dedans. Ah. 5 salles, le bordel. Et la différence des communautés, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce qui. Comparé à Lyon? Par exemple, Bah, Lyon, y a pas de trucs en plus. du coup, comparé aux États-Unis ou enfin, toi, t'étais en Californie, du coup, Ouais. et comparé à la Californie, la communauté comparée à la Californie, Bah, pas la même langue, peut-être? pas la même langue. Ouais. Je sais pas, c'est toujours un comité de skate. Je crois qu'il va toujours être des similarités partout, surtout les descentes. C'est un peu. Le community de skate partout, ça va être à peu près la même chose. Mais moi, je skatais principalement avec 5 gars aux States. Et ça, c'était assez normal. Mais ici, je trouve qu'on skate avec beaucoup plus de gens. Le niveau est beaucoup plus di diverse. Moi, Ouais. comparé aux États-Unis, moi j'ai un a priori qui est. Peut-être, j'en sais rien, tu me diras, mais qui est beaucoup plus race aux États-Unis. T'as vraiment l'esprit où, en fait, le gars qui roule, en fait, c'est pour faire de la race. Ouais, pas nécessairement. Je crois que Ok. c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux parce que c'est les gens qui restent Oui, qui qui sont font le plus pour les réseaux d'internet. sociaux, Ouais. mais il y a un gros comité en dehors de ça qui veut Ok. juste rouler comme Comme un partout. discurve, comme tu as fait là sur. Comme ça fait plom plom plom, Ah ouais. exactement, Ah, t'es génial. Oh, Fenty, je t'adore. Ah ouais? ouais, Pourquoi vous j'adore. vous aimez du coup tous les deux? Enfin, qu'est-ce qui vous a attiré l'un vers Non, Bah, moi en vrai, j'ai quand même une réponse. Ah, vas-y. Avec Frenchie. Avec. Ah. Frenchie. Avec Frenchie, du coup, je trouve qu'on se complète pas mal. Parce que moi, j'ai plus tendance à être, tu vois. Zonard. Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Ouais, mais tu vois, genre, ouais, à moins être sérieux, je dirais en général, En par retard? rapport à d'autres trucs. Vas-y, t'es. Et lui, de base, par exemple, tu vois, il va moins sortir et tout, et du coup, moi, je le pousse un peu plus à sortir Ok. quand il faut. Et lui, il va plus me pousser à rentrer quand il faut, tu vois. Je crois que. Oh, ouais, je crois que c'est exactement ça. Ok. On se balance un peu. Ouais. Balance un peu. Ouh! Hop là. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'en France, à Barcelone? Enfin, en Espagne, ouais, en Espagne ou De même. mieux Ouais. à Barcelone, le soleil, Le soleil, ouais, on l'a dit encore, hein, c'est pas mal le soleil. L'hiver est mieux les hivers, à Barcelone. pour ce que t'aimes, ouais. Après, Barcelone, c'est. Pour moi, c'est différent dans le sens où c'est une grande ville aussi, quoi. Ah, C'est. c'est fat, hein. Bah. C'est abusé fat. Ouais, c'est clair, enfin, quand tu compares ça à Lyon, ça a rien à voir, quoi. Du coup, bah, moi, c'est la première fois que Ouais. je vis dans une aussi grande ville. Mais en vrai, ça va, je suis pas tant choqué au final. Parce que c'est bien desservi, tu vois, dans les transports et tout. Alors que à Lyon, c'est de la merde, par exemple. T'as le recul pour dire que c'est de la merde. Mais oui. Comparé à ce qu'il y a ici, c'est vraiment de la merde. Genre, ici, le réseau, il est vraiment hyper bien fait. Et puis en vrai, t'as la mer, ça c'est cool, hein. Ouais, mais après, on n'a pas eu trop le temps d'en profiter non Ouais, non, plus. mais Après, même c'est tu peux te cool. poser, tu vois. Genre là, tout à Ouais, l'heure, on s'est posé devant la mer, c'était vraiment cool, hein. ouais. Ouais, j'avoue. Non, c'est. Moi, c'est ma première expérience vraiment vivre en Europe. Je suis venu pour voir ma famille, mais jamais vécu en Europe. Donc, je crois pas que je peux comparer à vivre en France et vivre en Espagne. Mais je crois que. Je sais pas, la société, les réseaux de transport, on peut aller en France sans voiture facilement. On peut même aller skater sans voiture si on veut aller à un petit spot qui est vraiment sympa. Moi, ouais, je sais pas, Ouais, puis le ce qu'on disait que c'est des vieilles villes qui ont l'histoire c'est et ouais, la ça c'est culture stylé. est riche, Ouais. beaucoup plus riche qu'en Californie ou qu'en States. Et ça, j'adore parce que j'aime bien la. Je sais pas, ouais. J'aime L'histoire. bien l'histoire, Ouais. la culture. Ouais. J'apprécie ça. Et je trouve ça stylé. Petite question du coup sur les riders locaux. Est-ce que vous avez un rider inconnu du grand public qui est terrepin chaud? Tous les gars là sont pas assez connus pour leur Ouais, niveau en vrai, en clairement, vrai. ce que j'allais dire en vrai. Non, Genre, les Quantums, quoi. les Quantum sont Les incroyables. En Quantums. fait, Ouais, les Quantums, c'est le crew de Barcelone, en fait. c'est ça. c'est le crew central, moi je dirais avec le plus haut niveau. Moi, dans ma tête, je sais que le groupe est beaucoup plus grand que ça, mais c'est les Quantums que moi je connais bien, c'est Jeanne, Albert et Paul. Et puis il y a des gens comme Abel, ouais, il y a plein d'autres gars qui sont dans les Quantums, mais les trois là, c'est vraiment des bons types et ils skatent hyper fort. Jeanne, je crois pas qu'il est assez connu pour son niveau, il fait des choses vraiment incroyables. Ouais, c'est vrai que Jeanne, il m'impressionne de ouf. Mais là, il est passé chez Valkyrie d'ailleurs récemment. Ouais. Hein. Ouais. Il a sorti sa part là, c'était quand? La semaine dernière? Ouais, la semaine dernière. Tyrell. Ouais. Et ouais, ils vous ont vite mis dans le groupe au final, les Quantums. Enfin, vous avez. Bah. Moi, je suis venu à Barcelone. On savait pas vraiment où on allait vivre parce qu'on avait cette idée de skate house. Et moi, je suis venu, j'ai dit à Jeanne. Non. Pour 2 semaines, je suis resté chez à Le Fort House à Gironde. Qui a combien de temps d'ici? 1 heure. Okay. 1 heure en train. Et puis un jour, je me suis dit, Jeanne, je peux venir chez toi pour 1 semaine, vite fait, pour regarder des apparts. Ouais, pour dans visiter, la ville. Etc. Ouais. Et la semaine est devenue 2 mois. Donc je suis resté ici pour 2 mois. Donc. Donc ouais, il t'a accepté assez rapidement. Accepté, ouais. Ouais, on s'entend très très bien donc. Ouais. Ils nous ont accueillis comme des rois, faut le dire. Ouais. En vrai, les Quantums, même en vrai, c'est tout le temps qu'ils nous emmènent en session. Nous, on n'a pas de caisse, tu vois. On est ici, on n'a pas de caisse. Ils nous emmènent tout le temps en session. Ils font tout pour que. Enfin, ils ont tout fait pour qu'on soit intégré et tout directement. Et ouais, en vrai, je pense que. J'ai jamais vu des gens qui étaient aussi accueillants. Je pense que tu trouves ça rarement, en vrai. C'est vraiment une richesse, justement. Ouais, je pense pour Barcelone, ça, c'est un truc qu'il y a en plus. C'est qu'il y a ce noyau de la communauté qui est fait par les Quantum, je trouve. Et je sais pas, ça donne vraiment un truc en plus. Ils sont pleins d'énergie. Tu vois, t'as Paul qui veut tout le temps faire... qui veut tout le temps filmer, faire des runs. Il est trop passionné. Enfin, tu vois, lui, c'est un méga passionné. Et je pense que c'est le genre de gars, tu vois, dans 5-10 ans, se trouve, c'est lui qui organisera des putains d'événements et tout, tu vois. Pour l'instant, c'est lui qui nous a fait les Hero Run là, pour l'édit que j'ai monté. Là, ok. Et enfin, même, genre, en général, c'est lui qui gère le compte Quantums. La plupart, c'est lui qui fait tous les édits, tous les fails. Ok. Avec Jeanne aussi, ouais. Et avec Jeanne. Mais Jeanne, il rentre dans le monde du audiovisuel pour faire des films, donc je crois que ça va s'intégrer au skate aussi. Ouais, non, j'ai hâte de voir ce que ça devient, les Quantum, c'est les boys. Et ouais, comme il a dit, c'est un noyau, c'est le cœur du community barcelonais, et ça se voit dans la richesse du grand community que. C'est incroyable d'avoir cette. Regarde la preuve, on fait un podcast chez les Quantums. Hein. Ils sont même pas là. Ils sont même pas là. Justement, c'est ce qui est. Enfin, tu vois, genre en mode, vas-y, vas-y, t'as besoin. Vas-y, prends, tu vois. Non, mais c'est vraiment. Enfin, pour te dire, c'est vraiment des amours. Et puis, tu vois, genre en mode, ça se voit qu'ils ont. Ils mettent beaucoup d'énergie aussi pour que leur sport il se développe. Ils aiment. Tu vois, ils font même des sessions initiation en vrai. Jeanne, il fait des sessions initiation avec d'autres gens qu'on connaît. Okay. De la scène d'ici et, okay. Et en vrai tu vois ça se voit qu'ils veulent vraiment s'investir pour pas que pour le skate en soi mais genre la communauté de skate tu vois. Ils essaient de faire grandir la communauté et de l'améliorer en fait. Bah en vrai ils sont comme des dingues tu vois que là en vrai ça se développe de ouf ici. Il y a des nouveaux riders ici du coup vous savez si ça augmente du coup ici. Je crois pas qu'ils se sont infiltrés dans les gros sessions encore, mais il y a des gens, les initiations, c'est des groupes de 30 gens qui commencent à... Vois, même nous, on est venus, il y a d'autres gens qui sont venus, Eduardo, tu vois, de base, il est pas d'ici. Ouais, il y a plein de gens qui viennent à Barcelone. Et l'année prochaine, ça va être encore. Il y a des Sud-Américains qui viennent skater avec nous. Ah, il y a d'autres gens qui viennent l'année prochaine, du coup. Ouais, je crois qu'il y a des Français qui sont chauds. Il y a Tiss et Lorenzo qui viennent. Je sais pas. Il y a Martin aussi. Martin Flon. Je crois que il se chauffe avec Max peut-être. Ok. Maxime. Mais je sais que Martin, lui, il a une école, l'école 42 là dans le coin et il va venir là du coup. Donc, mauvaise année les gars, fallait venir l'année prochaine. Ouais. Je vais partir à Grenade, c'est un peu dommage hein, mais. Tu vas partir à Grenade. Ouais. Enfin, c'était peut-être un projet de partir à Grenade l'année prochaine pour moi. Ah ouais, ok. Toi, les études, du coup, c'est fini? Bah, moi, je me suis dit, je me laisse 2 ans dans tous les cas pour le skate. Ok. Et puis après, si j'ai juste à reprendre les études, je peux reprendre. Enfin, tu peux reprendre un truc facile, genre un master en alternance pendant 2 ans. Je le fais en alternance, je peux toujours travailler à côté, je me fais bien payer. Ouais, non, bah ouais, de toute façon. Et vous vous souvenez de votre première session du coup? C'était sur quel spot là? Ici? Ici? Bah non, l'appartement il est trop petit pour faire une session, mais Pas les. Tu peux faire un bim bam boum, bah c'est bien, Moi c'était sous la pluie D'ailleurs, à Nagoya. vous êtes arrivé en même temps du coup, le même jour? Non. Ok. Non, non, non. Moi j'étais là. On arrivait avec un mois de décalage. Ouais. Ok. Un mois et demi, à peu près. Qui est arrivé en premier? Moi. Mais bon, mais bon. Et ouais, du coup, t'avais fait les directs, les sessions. Et en fait, du coup, après, quand il est arrivé, tu l'as introduit direct. Bah, c'est Ouais. plutôt les quantums, c'est pas. Moi, j'ai. Moi, je les connaissais déjà. Hein, Ah la oui, bah plupart oui. des gens d'ici, genre même, je connais Oscar, Larlata. Ah oui. Je connais, enfin, tous les gars qui étaient en Eurotour, en vrai. Ok. Et moi, je les ai rencontrés en Eurotour, mais pas profondément. Oui, Ouais, ils vite t'ont fait. vu et tu les vois Bon, et. Mais en vrai, pourtant, j'avais t'étais à juste côté sympathisé de avec. leur. De quoi? Hein? J'ai rien compris. Non, parce que je lui ai coupé la parole, du coup j'ai arrêté. Et du coup, ouais, ta première session Non, Narnia sous c'est la la pluie? dernière sur la pluie. Ok. Un dernier mouillé, je crois que c'était première session pour. J'ai fait ça deux fois et puis après on a fait un tennis. Session tennis. J'aime beaucoup le tennis. Et genre, du coup, le Narnia mouillé t'a dit, c'est là qu'il faut être. C'est. Il faut être ici, quoi. Ouais, quand c'était mouillé, je me suis dit, eh bah, j'ai jamais fait ça, c'est incroyable. Et toi, du coup, ta première session, c'était quand? C'était où? Alors, nous on est arrivé, genre, je sais plus, à 16h avec Ambroise, on était avec le van et Ah toutes oui, mes c'est affaires. vrai! Et on est arrivé, on allait directement sur le classique spot, la corner sèche du spot, le A. Le droite, là, Le A, avec la ouais, belle vue, là. gros, Le le droit gros qui droit. se font. En vrai, c'est une. Enfin, c'est un seul corner. Enfin, si avant t'as un virage en tuck-in, un peu plus haut. Toi, t'as le gauche en tuck-in, et après t'arrives sur ce gros droit. Et en vrai, c'est C'est un un. droit sans fin. Ouais, moi je le kiffe. Il est Ouais, trop bien moi ce aussi je virage. l'ai pas encore réussi, mais Ça va, ça t'abuses. va venir. T'abuses. Non, mais c'est. Et puis tu descends et puis tu skates quoi? C'est combien? 20 mètres? Tu. Ouais, je dirais quand même un peu plus, genre, je sais pas, tu dois skater peut-être 100 mètres. 100 mètres et puis t'es dans un ascenseur qui te remonte. Ah, c'est l'ascenseur qui te remonte pour en En haut du haut du spot. spot et puis tu fais des tours. Ouais. Quand tu es en haut, tu appuies le bouton pour Mais. descendre et quand tu Il arrives fait trop au. flipper cet Et mais. ascenseur. Il fait trop flipper cet Et ouais, ascenseur. chaque Il est fois fast? ça fait. Et ça s'arrête pour un petit moment Ça et fait puis quoi? ça s'arrête. Ça fait un. Ça bloque. Ouais, moi aussi, ça m'avait bloqué une fois. Ça Tu bloque sais, et. t'as la plateforme, elle secoue, genre. Et tu sais, Ouais. c'est un. Funiculaire. C'est un funiculaire. Ouais, je sais pas comment le décrire, mais. Genre, en mode, il monte comme ça, tu C'est un vois. Il funiculaire. monte sur le Ah oui, ouais, côté, ça et genre, du coup, c'est. tu vois vraiment le vide et tout. Genre, Ce c'est. serait pas un funiculaire par hasard. C'est un funiculaire. J'en ai parlé avec Ouais, possible, je sais Vachek pas. parce que ça, c'est son boulot. Ah ouais, Il a il. fait ses études dans ça. Bon Un bah merci Vasek. Vasek. C'est un funiculaire, ok. Non, mais c'est vrai que tu vois Il y a un câble, il le a raison. tracé. Tu vois les tracés que tu montes. En ascenseur, tu ne regardes pas où tu peux tomber. Mais là, tu vois Là ça fait le vraiment fin. flipper en vrai, ça fait trop flipper je te jure. Moi j'ai le vertige en plus, Ouais. je déteste ça. Quand ça a bloqué j'ai tapé. Et t'es resté combien de temps? Je sais pas, genre on était resté kiblo. Non, ça s'est arrêté 2-3 secondes et puis ça a recommencé. Non, c'était pas avec toi alors. D'accord, bah. Alors moi ça s'est bloqué pendant 8 minutes je crois Ah genre. ouais. Ah ouais, Nice. Mais Et ouais, ça c'est le spot trop bien. à côté. Ça c'est le session. Après en plus proche sinon on peut aller à Montjuïc. Genre c'est à côté de la mer. T'as une petite colline à côté de la mer. Ah là, il y a le téléphérique là. Bah c'est là où il y avait les WRG. WRG et ouais WRG. WRG du coup à Ouais. l'époque et les championnats espagnols aussi. Il y a eu. Sur un autre tracé sur le. Ah oui, mais à la base, lui, il était pas mieux d'ailleurs en plus ce Oh. tracé-là. Je sais pas en vrai, parce que t'avais le gros gauche et tout, mais genre après c'était plat, ce qui paraît. Genre t'avais un grand chousse, mais il était tout plat, alors c'était vraiment pas intéressant à rider à ce type. Ouais, bah tiens, en parlant d'event, eux ils ont pas d'event ici par contre. Hein. Ils m'ont dit cette année, ou non, c'était l'année dernière, ils m'avaient dit Il y avait un course qui voulait se faire, mais ça s'est jamais fait, je Mais crois. c'est, ouais, c'est galère quoi. Enfin, c'est pourquoi, vous savez pourquoi il y a des problèmes, ces problèmes-là ou pas? Pourquoi il y a personne qui. Enfin. Est-ce que c'est une galère de. Bah, comme aux États-Unis, c'est du coup, il faut que tu payes la route, c'est ça que Ouais, tu m'avais mais expliqué. c'est pas subventionné, c'est. C'est ouais, tu dois payer le mec pour fermer la route. Tu payes tous les frais, tu payes tous les frais. Il n'y a pas de matelas, tu as besoin d'acheter le paille, faut acheter les permis pour fermer les Ouais, routes, voilà, acheter le permis pour faire la route. faut acheter les polices, qu'ils viennent et Pourquoi t'avais besoin de la police? qu'ils ferment la route et puis quand les gens ils se plaignent, pourquoi tu fermes notre route, il y a des polices. Sur les grandes routes, normalement il y a des polices. Ok, ah tout le temps, genre toute la journée ils sont là en disant ah ouais, c'est fou. Bah en vrai, même quand on avait fait le projet pour Ambroise, on était obligé d'avoir soit la police, soit des agents de sécurité d'une agence de sécurité. Oui, ouais, mais moi je. Oui. T'es obligé d'avoir au moins des agents de sécurité normalement. Ouais, mais quand. Oui, mais là c'est différent parce que du coup là. Enfin, c'est pas un freeride où il y a toujours des spotters. Enfin, tu vois, genre, en fait, si t'étais des spotters, si t'étais des spotters, ça aurait été ok, genre, je crois. Enfin, bref. Non, mais. Ok. Mais Mais. c'est plus Tandis cher. qu'en France, du coup, tu vois, c'est beaucoup plus simple. Enfin, c'est abusé. C'est incroyable. Ouais. Mais du coup, là, c'est pour ça, je me demandais pourquoi ils avaient pas d'event, du coup, en Espagne, quoi. Bah, ils ont fait Latrona l'année dernière. Je sais pas pourquoi ça se refait pas. Ok. Je crois que ça va se faire tous les 2 ans. Je sais pas les raisons. Mais non, je sais pas les raisons pourquoi Moi non plus, j'ai c'est pas plus plus de compliqué. détails du. Enfin, même je crois les Quantums, ils sont juste là en mode. Bah, y en a pas, y en a pas, y a personne qui organise, y a personne qui organise, quoi, c'est tout. Ok, ouais, il n'y a pas la culture du freeride, quoi. Bah, je pense Parce que que. peut-être dans les temps passés, peut-être. Enfin, moi je sais qu'y a même Vélefic, tu vois, c'est un freeride, il est un peu mythique, il est un peu connu quand même, genre dans le sud de l'Espagne. Et en vrai, enfin, je sais pas, moi je pense qu'ils ont quand même la culture, c'est juste que ça s'est perdu. Enfin, comme en France, en soi, de base, c'est juste que nous, on était des machines avant, mais qu'on produisait Mais 4 iserons par an, enfin oui, tu vois, des mais trucs là de ouf. c'est un autre problème, c'est le problème qu'il y a pas de communauté qui se renouvelle en fait, surtout. En France, là, c'est juste que là, Ouais, il y mais a au plus de final, on a communauté quand même qui. Y a. connu un pic vers le bas, tu vois. Ah oui, bah oui, Mais mais c'est juste que eux, vu que c'est. c'était moins développé et qu'ils ont eu ce pic vers le bas, et Ouais. puis. Enfin, tu vois, c'est juste assez. Oh là, J'essaie putain. Il s'est chié dessus le van. Ah, il m'a fumé. Il m'a fumé. T'es trop chaud, mec. J'ai besoin de embrasser le micro, mais tu m'entends. Attends. Oui. Alors, high flower, allez. Alors. Je crois que Super, ouais. merci man. Ok, bon bah super. Et On n'est plus que deux. ouais, de toute façon, Ouais, de toute façon, c'est pas grave. en vrai ce le C'est le podcast ça me podcast. dérange pas que enfin bref. Non, mais C'est tranquille, de toute deux. façon, c'est un podcast, il est lourd. Oh, tu fais du bon boulot, Benji. Shout out à Benji. Non, mais du coup pour en revenir à ce que tu dis, je trouvais ça important enfin intéressant sur le fait mais en fait je pense que le problème qu'on a maintenant c'est qu'il n'y a plus le roulement qu'on a eu à une année où bah, les anciens ils faisaient des événements et les jeunes ils skataient et t'as un roulement comme ça qui était naturel tu vois. Maintenant tu skates plus tu enfin en fait là il y a un fossé tu vois genre là je vois pas qui enfin wow, comment c'est très clair pour moi ce que je veux dire mais Je vois très ben j'ai très bien compris ce que tu voulais dire. là en fait tu vois genre vraiment c'est en mode enfin moi je suis dans l'asso DRA SO DRA. Ça prépare du lourd, vous inquiétez pas, on est HAL. Piou-piou! J'ai spoil ou quoi? Non, bah non. J'ai pas spoilé DRA. Attends, il y a deux personnes? Laure en panique. Inno, C'est vous deux, les deux Inno, il est personnes. vert. Qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, vu que. En fait, tu sais, c'est. En vrai, c'est un peu comme le podcast où en mode. J'avais envie qu'il y ait des trucs comme ça. Il y a personne qui le faisait. Bah frère, vas-y, let's go, C'est tu vois. vrai. Faut le faire, tu vois, parce que du coup là, il y a plus personne et du coup t'es obligé de sortir les doigts pour le faire quoi. Et du coup c'est plus le roulement de la communauté qui il y a plus de roulement. En fait je pense que là déjà il y a un gros fossé d'âge. Là on est sur des anciens et des jeunes et je pense qu'il y a un fossé. Il y a des et puis le Covid ça a mis un coup de fou. Genre les gens qui commençaient à plus skater trop, il y a eu le Covid, ils ont fait bon bah ciao, je m'arrête et je m'en vais. Je crois que ça a aidé aussi. Le Covid ça a aidé. Je crois qu'il y a des gens qui ont commencé le skate pendant la Covid, puis ils ont réalisé qu'ils aiment bien descendre des routes. Et... Je pense que il manque une. En vrai, non mais c'est vrai. Je pense que en vrai il manque une génération. Soit on a l'impression. Enfin. Ouais. Et puis en plus là il manque deux générations parce que même là frère. Ouais. C'est vrai. Il y a que à Paris il y a des nouveaux rayeurs. Hein. Non aussi. t'abuses. Lyon un en peu, tout non. cas oui si Lyon même aussi. Lyon en vrai ouais enfin bah... de partout c'est juste qu'on s'en rend pas forcément compte là comme ça d'un coup mais tu vois genre même là ici ils ont un Grom qui est pas connu, je sais même plus on l'a vu l'autre jour en session c'est celui qui est sur ta vidéo là ouais exact et bah, par exemple à Lyon on a Paul mais tu vois ouais, je suis sûr des Paul ou des gars comme ça et bah genre il y en a partout en vrai. C'est juste que... Mais faites du contenu, comme nous avant. Mec, au début, nous, on faisait T'as pas regardé les vlogs avec Sandro si. Non, mais ce que je veux dire... T'as pas regardé mes vlogs. Non, mais ce que je veux dire, genre, mec, nous, à notre époque, frère, on était des deux mères, gros, on mettait des vidéos sur YouTube, frère. Faut que je ouais, recommence. On peut retrouver tes vidéos sur YouTube à la Croix-Rousse ou à Saint-Fortunat, frère. Hein. Je sais. Et du coup, tu vois, il y avait ça, tu vois. Et maintenant, nous, on n'entend plus parler des jeunes parce que, du coup, peut-être qu'ils produisent pas ou alors c'est des réels. Et ouais, puis ça réels. Se perd dans les algorithmes. Oh et ça va tuer le skate. Putain, avant, t'avais la culture du Roran de ouf. Genre, c'était vraiment le truc. Avant, t'avais le culture du Roran. Bah ouais, genre, t'avais. Non, frère. Si non, en vrai, je crois que ça s'est développé à beaucoup plus. Ah ouais. Aussi. Ah oui. Mais ouais. Mais bah, alors moi je dis c'était peut-être cas... à un poil avant le Covid, tu vois, genre peut-être un ou deux ans avant le Covid, tu vois. Mais quand on était à Lyon, je te parle de la communauté à Lyon. En tout cas, moi c'est sûr que c'était ça, genre. T'en souviens pas tous les gars qui postaient des trucs. Enfin c'était des Roran GoPro, tu vois, mais c'était enfin que des Roran. Ah mec, moi je vois tellement de plans fixes, gros, faire des slides devant la GoPro. Enfin mec, je vois que ça quand. Au-dessus de la GoPro. Hein? Au-dessus de la GoPro. Ou alors même des fois c'était des trucs de fou en mode la GoPro scotchée sur le longboard et l'image elle est comme ça et là. Tu vois les stries. Ça c'est du beau. Du coup j'ai perdu le fil, je sais plus ce qu'on disait. Ah on disait le renouvellement. Bon. Les événements. Mais en France c'est incroyable. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Et encore. Frère, et encore. Ouais, je sais. Et encore. J'ai beaucoup loupé. Pff, c'était des folies où, genre, mec, c'était le mercredi après-midi où t'étais en pause de midi et il fallait faire des F5 sur ton téléphone ou enfin sur ton clavier pour avoir une place à Marchaux. Enfin, c'était mec, c'est. Marchaux, gros, ça a toujours été une dinguerie, quoi. Mec, en 5 minutes, t'avais toutes les places de Marchaux qui j'aimerais t'avaient. J'aimerais bien skater Marchaux cette année. Oui. Tu vas ? Moi, j'ai pris Staff Ride. Je crois, ouais. Oui. Moi aussi, j'ai pris Staff Ride. Mais je sais pas s'il y a encore des places, hein. Je crois, moi j'ai pris une place de Staff Ride, je crois qu'il en restait une. Si jamais. Facebook Non, je crois que c'est sur TikTok. Ah ouais, sur TikTok, ouais. Ah, ça se passe tout sur TikTok maintenant. Ça se passe tout sur TikTok maintenant. Non, mais moi j'ai y a pas, c'est pas encore sorti, frère, les places de Marchaux. Je sais pas, ça commence à sortir. Mais non. Attends, qu'est-ce que tu me dis ? 10e édition. Je sais plus, hein. C'est pas le moment, les gars. Mais non, mais. Mais toi, tu mytho, toi, t'as pas de place. Mais si. Mais arrête. Je te jure, j'ai envoyé un message, j'ai dit. Ah, mais voilà. Pour du Staff Ride. Oh là là, le mec, il envoie des mails et tout, frère. Non, on va un messenger. En fait, j'ai fait pole position, donc je crois que je pourrais avoir une place pour Staff Ride. Je représente la France. Regardez, j'ai une carte vitale. D'ailleurs, comment ça se passe, vous, les assurances, tout ça, ici? C'est un peu compliqué pour moi. Moi, je vis à Lyon. Non, mais du coup, ah ouais? Moi, je vis à Lyon, moi. T'as ta carte d'Europe européenne, là? Ah, non, assurance maladie européenne, là? Non, mais moi j'ai. Oh, le, moi j'ai la rien fait, toi en fait. Moi j'ai la Fédé. T'as rien fait. Mais j'ai la Fédé. Non, mais tu t'as pas ta carte d'assurance européenne. Si. C'est quoi ça? Oh là là. C'est pas. C'est, en fait, c'est une demande. Non, en fait, je sais, je sais. Mais t'as, en fait, t'as rien fait. Là, tu te pètes la gueule. T'es pas bien. Je sais pas, non, en vrai. Bon, déjà, je touche du beau pour toi. C'est comme au set. Quoi? C'est comme au States. Ah ouais. Tu te pètes la gueule, t'es ah ouais. foutu. Non mais normalement. Enfin, c'est juste que tu dois avancer les frais, mais dans tous les cas, t'es remboursé. Quand t'es dans l'Union Européenne. Et que t'es. Je pense que t'as. J'en sais rien. Mais moi, j'étais allé à l'hôpital pour mon épaule, ils m'ont rien fait payer, ou alors ils m'ont fait payer peut-être juste la telle. La telle lait? La telle. De mon épaule. La télé? Oh, je c'est zappe. Pas du lait. Et toi, du coup, ouais, par contre, c'est galère. Moi, je fais les démarches, mais comme j'ai jamais. Tu fais les démarches en France? En France. Oh, oh là là. Mais une fois que je l'aurai, je ferai les démarches pour avoir un carte vitale ouais. européenne. Ouais. Mais j'ai envoyé tous mes documents, ils ont perdu. C'est un micro, c'est... Ils ont perdu dans ouais. un courrier, donc je rappelle tous les jours. C'est comme ça. Moi, j'ai fait les. Je devais changer de permis. C'est pareil, ils se perdent et tout, et c'est une horreur. C'est incroyable. Ça, c'est une chose qui m'impressionne. Les tout ce qui est administratif. Je comprends pas. Merci, frère. De quoi? Il y a des places d'ODM. D'ODM. Je comprends pas. Je sais pas ce que c'est, ODM, mais bon. Je sais plus. Qu'est-ce que, mais qu'est-ce que je disais quand, avant que tu m'interrompes? Ah, Outdoor Mix. Merci. Il y a les places ouais. de... Oui, Outdoor Mix, ouais. Par contre, il y a les places, il y a les trucs qui sont oui, sortis, j'ai oui. vu ça. Ouais. Et ils ont du staff ride ou pas? Non, tu peux juste staff. Ah. Tu peux juste ride, c'est vrai. Ah. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu fais staff. Il y en a un qui achète une place staff. Il y en a un qui a pêché une flash rider. C'est possible de prendre que 3 jours? Je ne sais pas, mec. Tu ne sais pas? Non. Je suis pas dans le truc. Je suis pas là en mai, moi, de toute façon. Moi, les refs, Tahiti... Non. Ah si. En mai, tout mai, je suis pas là, moi. Ah, c'est dommage, parce que j'ai un truc à te proposer en mai. Ah ouais, ouais. Fais ce qu'il te plaît. Bon, je t'en parlerai plus tard. Ok. Et j'ai un fil, c'est trop bien, mon fil de... Comment ça se passe la... Tu vois, nous en France, on est vachement sécurité, coudière, genouillère, dorsale, rembourrage au crâne, panier holder, etc. Ici, c'est comment? T'as rien, c'est chill. Jeanne, je vois ses pieds quand il skate. Il a des trous si grands dans ses chaussures que tu vois ses pieds. Et... C'est vrai. Mais à part ça. Non, c'est. Que c'est pas aussi fortement suivi qu'en France. Mais en fait, ils portent pas la dorsale, c'est ça la différence. Bon, ouais, c'est grave français de porter la dorsale dans tous les cas. Quand tu réfléchis, mec, il y a aucun d'autres pays qui porte une. Enfin, non, les Suisses, non. Moi, non, les Suisses, c'est les premiers à pas mettre. Ouais. Ils râlent. En événement, ils sont là. Oui, c'est vrai, au final. Est-ce que. Mais en même temps, mec. C'est parce que c'est marrant en plus, dorsale, quand ils sont en événement. Oh, on savait pas! Et qu'on leur dit, ah non, mais t'as pas une dorsale? Ah, mais moi je suis suisse! Moi c'est la fédé suisse, c'est pas la fédé. Ouais, c'est ça qui est ça. Ils m'ont fait bien rigoler. Col du coq, c'était ça, moi. Et ouais, je vous aime les Suisses, hein, je rigole. Mais déjà, on skate avec des wakis ici, et ça, c'est un gros. Bah, même en, ouais, même c'est en tellement France, bien, ouais. C'est tellement bien ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait au state. Bah, il y a des spots qu'on peut pas rouler sans. Oui, non, Colombière. C'est ça. Colombière, c'est chaud. Colombière, c'est chaud, j'avoue. Non, mais c'est ça qui change tout. C'est les largeurs des spots parce que donc, ouais. c'est beaucoup plus grand. Mmh. Mais faut. Il y a des fois où. Voilà quoi. En fait, t'es sûr d'autoki et au final, t'as toujours le petit chemin qui sort. Il y a une voiture. Enfin, tu vois, c'est. Moi, je trouve ça plus sécurisant d'un côté, ah, oui. mais faut. Faut, je trouve, en tout cas, avoir le, enfin, bien connaître le spot quand tu le fais, en tous les cas. Parce que, par exemple, tu vois, genre, ça nous est déjà arrivé, même ici, d'aller sur un spot, on était au Toki, mais il y a des plein de petits chemins. Ouais, il y a plein de petits chemins quoi. Et puis nous, c'est arrivé qu'il y a un buggy qui sort du chemin. Ah, il nous a raconté ça, ouais, je crois. Je sais plus ce que c'est, mec. Un buggy qui est sorti d'un chemin, c'est ça. Ouais, ouais, c'est buggy, ça. Entre deux motos aussi, mais ça va. Alors, les motos, c'était pas sketchy. Non, mais le buggy, c'était ouais, le seul instance. C'était pas sketchy, mais. Mais ça aurait. Enfin, genre en mode, si il serait arrivé par exemple 10 secondes avant, ça aurait été un peu chaud par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui vous a choqué en arrivant? Quelle question. Un buggy. Du coup, toi, c'est en France et même ici. Hein. Les événements en France. Les événements sont tellement bien. En plus, t'as pas pu les faire au début, non? Ouais, je suis allé comme spectateur pour quelques jours. Marchaud, t'étais bien spectateur. En Normandie aussi. En Normandie aussi. T'es allé en Normandie, non? Oui, mais je me suis cassé le poignet. Venu en France, j'ai spectaté un truc. Et puis Normandie, c'était après le Eurotour, mais je skatais pas encore. Ah, mais ok, parce que tu t'es pété la cheville. Ouais, ok. Je me suis bien pété l'année dernière. Mais le comité aussi, c'est. Je sais pas pourquoi, mais aux States, les gens qui skatent en Californie skatent pas vraiment avec les gens qui skatent au Utah, ou pas souvent. Et tu pourrais comparer à des pays à côté, mais ici. Mais justement, c'est. Les gens du. Moi justement, je suis trop content qu'il y ait des gens d'autres pays qui viennent à Lyon, ouais, tu vois, ça, genre ça fait trop plaisir. Les fois où il y a eu Pierce, bon, même s'il est passé comme ça, mais enfin, ouais, elle est tout comme ça, où justement, t'es trop content qu'ils viennent et que tu les héberges, tu les aides et tout. Ça, c'est trop bien, quoi. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a choqué? Bah, alors, en vrai, moi, il y a plusieurs trucs. Déjà, bah, enfin, moi, faut savoir que ça me tenait à cœur, dans tous les cas, de partir en Espagne. Parce que j'avais envie d'aller dans un pays qui était plus dans le sud, qui était plus avec un esprit de chill, tu vois. Je trouve que, par exemple, les Français, on est plus stressé. Ouais, stressé, ça va un peu avec. Je dirais plus pressé. Et ouais, c'est vrai qu'ici, c'est plus chill, tu vois. T'as l'impression que les gens, ils se prennent moins la tête. Et ça, déjà, c'est cool de ouf. Après, comme je vais me répéter là-dessus, mais le soleil, ça change beaucoup. Ouais. Et aussi, faut savoir qu'il y a, les conséquences qui vont avec aussi. Parce que les Espagnols, quand tu leur dis « Ouais, c'est à combien de temps ?» Ils te disent « Bah, c'est à 30 minutes. » Et genre, en fait, c'est à 1 heure, tu vois. Ah ouais, ouais. Il y a vraiment ce retard. Enfin, ouais, même, encore la semaine dernière, ils me disaient « Mais tout le temps, hein, tout le temps, vraiment. » Il nous dit, ouais, on va à Narnia, du coup, le spot. Et après, on rentre chez moi, c'est à 10 minutes. Narnia pour aller jusqu'ici, je sais pas, c'est peut-être au moins le double, quoi. Non ? C'est. Ouais. Je dirais que c'est 20 minutes. Ouais, 25 minutes, quoi. Enfin, c'est qu'un exemple, mais tu vois, c'est. Comme c'est des petits trucs, genre, en mode, tu vois, parfois, un matin, je leur dis. Enfin, non, un jour, je leur dis. Demain vous allez skater de quelle heure et tout, ils disent ouais on va skater le matin et après on revient l'après-midi pour la diffusion de la première du film de Quantums Akaina. Et du coup je leur dis ouais, t'as plus le droit de parler. Elle a quelle heure du coup la diffusion? Ouais. Et du coup... Putain, mais du coup, je me suis perdu, je sais plus. À quelle heure la diffusion? La diffusion, elle était à quelle heure? 9h30. 18h30, on devait se donner rendez-vous. Et elle était censée commencer à 19h, sauf qu'elle a commencé à 19h30, 20h. 19h30. Ouais, mais c'est comme les podcasts. Oui, frère. Mais ce que je veux dire, c'est que genre en mode, ils me disent, on va skater le matin, et après, l'après-midi, on va voir le. Ouais. Tu vois, alors sauf qu'en fait, ils y vont à 18h30. Et moi, je, dans ma tête, je voulais aller skater le matin et aller travailler l'après-midi pour mon taf. Sauf que, coup, genre, il y avait une incompréhension, tu vois. Enfin, tu vois, c'est ça qui est des trucs comme ça, c'est marrant, tu vois. Il y a quelques petites différences. comme ça. Après, ouais, forcément, je suis choqué aussi de, du niveau de skate d'ici. Je suis choqué. Le soleil. Même en vrai, les spots, hein. Les spots, ils sont vraiment cool. Même des city spots, ils sont. Ouais. Mais ouais, le soleil, putain, il tape. Les cruisings. Les cruisings, c'est vraiment cool. Vu que tout Barcelone est légèrement en pente. C'est ça, jusqu'à c'est la. C'est trop bien, quoi. Tu peux démarrer tout en haut, au début t'as des putains de bombes de ouf, et après t'arrives dans un endroit un peu plus cheap, enfin, tu sais, ça descend de moins en moins en fait. Ouais. De plus en plus quand t'arrives vers la mer. Ouais. Et du coup, c'est vraiment sympa ça. Tu peux te chauffer et puis. Hop, hop. Et le niveau en Europe. Ça t'a choqué ? Ah ouais ? T'étais pas au courant ? Bah, je savais que le niveau était très très haut, mais. Je crois que le. Ouais, je crois que c'était beaucoup plus haut que je m'attendais. Mmh. Et c'est vraiment cool d'y voir, parce que quand t'es entouré d'un niveau, ça te pousse. Ouais, ça te porte, ouais. Ouais. Ouais, non, mais c'est clair. Mais après, moi, c'est pas. Enfin, moi, j'ai un peu aussi ce truc-là de niveau américain et tout, où genre, ils sont au-dessus, large. Enfin, en vrai, tout l'Amérique, sud et nord, je les trouve tellement au-dessus. Mais c'est en train de se déconstruire un peu, ça, tu vois. Tandis qu'avant, c'était vraiment. Enfin, tu vois, genre. Allez, vas-y, dis-moi, tu voulais m'interrompre. Continue. Ouais, mais c'est juste que je voulais réagir à un truc que t'avais dit. Vas-y, dis-moi. Genre, en vrai, moi, je pense pas que ce soit vrai dans ce sens-là. Moi, je pense juste que c'est l'Europe qui a pris un niveau de ouf. Ouais, voilà. Ouais, okay, mais on est d'accord. Ouais, parce que. Ok, d'accord, parce que j'ai cru que tu te disais dans l'autre sens, genre, en mode que. C'est parce que les States, je trouve qu'ils ont toujours. Mais en fait, ils ont un truc mythique. C'est mythique, tu vois. Ouais, mais même, genre, en termes de. Tu vois, en termes de performance, les riders et tout, je trouve qu'ils ont quand même un niveau de ouf. Oui. Mais par contre, je trouve que l'endroit où ça s'est un peu détérioré, bah, c'est l'Amérique du Sud. Parce que de base, l'Amérique du Sud, le Brésil, c'était mythique, quoi. Ouais, bah ouais. Avec les Thiago Lessa, les Pepe Laporte. Après, derrière, t'as la. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Pourquoi ça a pris un coup ? Bah, il y avait un. Ah oui, pardon, oui, on est d'accord. Et puis, ils voulaient pas faire des événements IDF. Donc... Ouais, ouais. Mais ça, je comprends. Clairement. Ouais, du coup, ça a pris un coup. Mais après, t'as la salle colombienne qui arrive, quoi. Enfin, en vrai, ils sont chauds aussi, ils sont dans leur coin. Sur un stand-up, il y a des gars et ils sont en claquettes chaussettes, mec, ils te mettent des trucs, c'est des dingueries. On joue à un jeu ? Ouais, si tu veux. Qui est le plus espagnol de vous deux ? Oh. Donc, je vais. Vous allez sortir. T'as des critères ou c'est juste. De quoi ? T'as des critères d'être espagnol ou. Ouais, si vous mettez l'accent, c'est mieux. Mais du coup, je vais donner un mot. En fait, je vais donner un mot. Et vous allez devoir donner des marques. De ce produit en des marques espagnoles de ce produit là. Ok. Donc et des du coup celui des marques comme genre par exemple si je te dis voiture tu dois dire Ford. Enfin bah non du coup Ford c'est américain. Donc vas-y voiture c'est hâte bref du coup des semelles de footbreak. Alex vas-y commence. Britain Burner. Free Break, mais je crois pas que c'est espagnol. Si. Free Break. Continue. Ah, c'est à moi. Et ouais, bah du coup, tu dois. Atopic. Rip Atopic. Bah non, du coup, j'ai dit Atopic. Bah oui, mais Rip Atopic, parce que. Ah. C'est plus, il y a plus. Ouais. Semelle. Je suis pas sûr s'il y a un autre. Ouais, je pense pas. Je pense pas non plus. Ouais, t'as gagné, Alex. Moi, en premier, la prochaine fois. Hein. Ouais, vas-y. Une marque de board. Espagnole. Je crois que j'en connais qu'une. C'est devant tes yeux. Bah arrête, toi, t'as pas donné des indices. Mais Lucas, c'est pas espagnol. Ah ouais ? Non. Ok, bah non, je sais pas alors. C'est quoi le. Du coup, t'as perdu ? Ouais. Goat. Oh, bien vu. Eh ouais. C'est des belles parts en plus. Ouais. Tard l'époque, c'était bien. C'était Alix qui roulait Goat. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'y ai, c'est okay, ça que j'y ai pensé. Bien oui. Des spots. Bah, vous avez déjà donné. Ouais. Des spots espagnols. Du coup, là, vous avez donné pas mal. Là. Ah, bah là. Il y en a plein. Ah, bah là, t'abuses. Ah ouais ça va, ah, bah, ça va être sans fin de ouf. Ah ouais Ah ouais, ouais. Sans fin. C'est vraiment comme ça. Mais en plus, tu vois, il y a plein de spots, on connaît pas les noms. Enfin, tu sais, ils ont pas de noms. Ah bah, super. Bah, du coup, des pucks. Fortes. Freebreak. Yorktown Burners. Il y a deux marques en fait en Espagne, il y a Yorktown Burners et Freebreak, ils font tout. Fort. Oui, t'as dit. Topic du coup. Je sais pas s'ils ont fait des Topic. Pucks. Ouais. Ah ouais. Les pucks sont juste là. Puck à Topic. Ouais. Ok. Je croyais qu'ils faisaient justement que des pucks et des gants et des... Freebreak. Il y a des breaks. Ouais. Gants. Mamba, c'est pas espagnol. Non, c'est italien. Bah. C'est suisse, non? C'est pas suisse italien? Bamba Pucks. Mambo non? Bamba. Bam bam. Bam bam. Bam bam. Non, ça, bam, c'est, bam. Ça, bam. C'est, bam, c'est bam, suisse, c'est suisse italien. Vraiment? C'est suisse non? Bam bam. Je crois que c'est. Moi je sais pas du tout. Amérique du Sud. Bam bam. Bam, mais, non. Mais je crois pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Moi je vois pas d'autres de toute façon. De... Ouais. Cheetah. Cheetah. Ça c'est suisse. Ouais. Craig Hippo. Ouais. Riptide. Bah, ça non. C'est californien. RDVX. Français, non? Non, RDVX. Ah non, c'est californien. C'est, ouais. C'est vieux. Ouais. Hyper vieux. Ouais, c'est vieux ça. Hein. RAD. Californien. Putain, mais c'est californien aussi. Putain. Puckman. Italien. Skitto. Mais en fait, la salle joue là? Ouais, je sais pas, j'étais lancé, c'est pas mal en vrai. Je sais pas, parce que moi j'étais là en mode zoné et tout, je me laissais répondre, tu sais. Italien. Californien. Et après, je commence à réaliser, tu sais, petit à petit, tu vois. Il y a peut-être un jeu, tu vois. Alchimiste. Paris. France. Ouais. Ah ouais? Ouais. Alchimiste. Mais c'est Paris? Moi j'aurais dit que c'était breton, hein. Non, c'est Paris. C'est des portes, non Paris. Quad. Continue avec ton jeu. Quad. J'aimais bien le jeu. T'as plus de jeu? Ouais. Non, si vous voulez, j'ai un autre jeu, mais je sais pas si. On doit deviner qui. Vous savez, c'est un qui est-ce là. Si on se met un truc sur la tête. Pas mal ça. Et du coup, sur des riders, tu vois. Ah, ça peut être drôle. Avec Diego, on s'est lancé dans la conversation. Tu sais comment tu claques les mains pour dire je vais te passer. Ouais. Si on avait un bouton sur le main qui disait un parole, ça serait quoi ton parole quand tu passerais quelqu'un? Oh Yanis, ça serait tellement Nick Taras. Sisnopello. Sisnop Patrick. Moi ce serait un hein, honey. C'est pas mal ça. Ça serait quoi moi? Tu sais, genre, je passe à droite, je dis à gauche. C'est bien. Vas-y, on doit tous imiter un rider et on doit trouver lequel qui c'est, genre. Mon foie, je l'attendais tellement fort celle-là, j'en étais sûr. Vas-y. Ah ouais, mais bon, j'ai un rider en tête et vous devez deviner qui c'est en me posant des questions. Ok. Ça va ? C'est dur ça. Ouais, vas-y. Attends. Ouais, voilà, tu peux faire une petite imitation ? Moi j'aime bien tes imitations, elles sont pas mal. Ouais, mais il y en a, mec, je les connais, mais je les connais pas. Ouais, attends, t'sais quoi d'abord ? Viens, on fait un petit jeu. Vas-y. Moi je te donne des riders et toi tu dois les imiter. Vas-y. On va couper le live et on arrive. Attends, du coup, attends, je cherche un rider que vous deux vous connaissez. Vas-y, je l'ai, c'est bon. J'ai un rider en tête. Il est européen ? Oui. Français ? Non. Italien ? Non. Espagnol ? Non. Suisse ? Oui. Diego ? Non. Diego. Ivan. Non. Non. Tristan. Non. Mais, non, mais posez des questions là. Arthur. Non, mais viens. Trop chiant. Est-ce qu'il y a une marque de skate? Non, non. Non. Nico? Mais putain! Chiant, mais non. Il a un marque de skate, Nico. On peut aussi. Est-ce qu'il est aussi français? Non, non, je crois pas. Mais il est avec une française. Nico. Mais putain, je vais pas. Waouh! Il a un chien? Nico. Raider Suisse. Jules! Non, mais putain, il habite à Genève. Mais pose des questions. Il habite à Genève. Pose des questions. Il habite à Genève. Non. Il habite à Lausanne. Peut-être. Ah, où il habite. Il est connu pour être à Lausanne. Ok, Grégoire. Non. Il Fabio. A... T'as plus gagné une réponse. Oh. Ah ouais, voilà. Hop, trois réponses comme ça. Est-ce qu'il fait des courses ou il fait des freerides? Ouais, il fait les deux. Il fait les deux. Il est plutôt chaud en course ou en freeride? T'as un essai, toi. Romain. Putain, c'était Romain. Ah, je l'adore. Vas-y, bah vas-y, choisis un rider et on doit le deviner. Allez. Nico. Ok, c'est bon, je l'ai. T'es régular? Hein? T'es régular? Je m'en souviens plus. Il est en Europe? Non. En Amérique? Oui. Oh putain, c'était long. Hein. Ok. États-Unis? Non. Kevin Reimer? Non. Quoi? Bah, je sais pas, je tente. Canadien? Non. Est-ce qu'il habite Amérique du Sud? Oui. Est-ce qu'il... Il vit là-bas? Il vit en Amérique du Sud? Oui. Est-ce qu'il est du Amérique du Sud? Oui. Est-ce qu'il fait du freeride ou des races? Je sais qu'il fait de la race, mais je sais pas s'il fait du freeride. Est-ce qu'il a... Enfin, il est dans... en développement avec une marque, une board? Par exemple, une marque de board où il est connu pour ça, tu vois, genre... Un petit peu, je crois. Un petit peu. Ok. Est-ce que la board, elle est large? Je la connais pas beaucoup plus que ça, mais je dirais qu'elle est plus large que la mienne, je crois. Il roule les dons de trip? Je sais plus. Pff, frère, connaît des riders aussi, là. On va poser d'autres questions. Est-ce qu'il a un prénom brésilien? Pas du tout. Il roule quoi comme roue? Ah, ça, c'est des questions ciblées, ça. C'est Ismic. Ah. C'est Ismic. Ah, bah là, frère, vas-y, hein, c'est ton team. Hein. Tu sais, vas-y, Chase Hiller. Aaron Hunter. Bah non, du coup, non. Il a dit quoi? Il a dit, j'ai même Chase. Attends, c'est qui est... Ah, j'ai mal, là. Ouais, excusez-moi, j'ai mal au dos, hein, donc voilà. Du stretching. Hein? Mais pas là. Je suis, on me voit. Merde. Il roule des sismiques. Un Brésilien qui roule des sismiques. J'ai jamais dit que c'était un Brésilien. Amérique du Sud ou Amérique du Centre? Amérique du Sud. Amérique du Sud. Il roule des sismiques. Amérique du Sud. Et ouais, c'est quoi le nom? C'est quoi son nom? Est-ce qu'il a crashé avec Alexandre Rost et WRG? Non. Ah. Mais mec, tu devrais l'avoir en plus. Benji, tu pourrais l'avoir, je pense. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que je pense que... Nico? Mais... Bah non, non, non. Moi, je suis pas. Perdu, honnêtement. Donne-moi un... Bah, je sais pas, les gars, essayez de trouver sa nationalité, déjà. Colombien? Non. Pérou? Non. Chili? Non. Argentine? Si. Argentina? Santiago? Si. Nice. Easy. C'est le champion d'Amérique du Sud. Ok, d'accord. C'est le champion d'Amérique Santiago, du Sud. Santiago. Du coup, quand vous m'avez dit Amérique du Sud, j'ai cru que vous allez trouver tout de suite. Mais bah bon, non. C'est pas grave. Allez, tu me trouves un rider là dans ta tête. Et maintenant, tu dis que oui ou non. Tu dis pas il roule en sismique. Tu vois, d'accord. Alors, quelle roue il roule. Et vous le connaissez, c'est sûr. C'est bon, t'as déjà le. Trop facile, mais on verra. Louis Pilloni. Non. Ouf, je tentais. Hein. Bon, j'ai plus que deux essais, lui. Vas-y, tente aussi, ah, one shot. One shot. Maria Carré. Bon essai. Très proche, mais non. T'as un truc dans la main, toi. Quoi? Non. Tu parlais, t'avais le micro par terre. Et quand je. Non, il n'y a pas de quand je qui tiennent. Bon, t'as demandé. One shot. Mais j'ai dit, Mike. Mais non, mais c'est nul. Ouais. Tu suis sérieux. Ok, bon. Grandis, on rigole pas là. Je le fais sérieusement. Facile. Ramskelly. Diego Poncelet, on va aller dans la facilité. Non, la facilité. Mais non, mais. Non, d'accord. Non. Commence à poser voilà. Des questions. Voilà. Ouais, je suis régulier. Je crois. Est-ce que je suis européen? Non, non, je crois pas. Je crois qu'il est goofy. Est-ce que je suis européen? Non. Est-ce que je suis américain? Non. Est-ce que je suis australien? Non. Oh. Pas mal. Ouais. Est-ce que je peux poser des questions, moi, ou... Vas-y. Canadien. Ouais. Oh, mais j'ai dit américain, mais je voulais dire le continent américain. T'as vu les Américains? C'est vrai. Le melon! Le melon! Les États-Unis, c'est l'Amérique. Oh là là! Non, je rigole. Bon, du coup, vu qu'il a répondu oui à moi, j'ai le droit d'en poser une deuxième. Tu vois, c'est bien. Eh, franchement, on avance. On va finir avec un bon jeu à la fin. Du coup, tu m'as dit t'es régulard. Non, je crois pas qu'il est régulard. Ah! Mais t'as changé d'avis? Je peux pas. Non, j'ai dit qu'il est. Je suis goofy. Mais je suis pas sûr. Je roule en don't trip. Non. Toi. Bon, c'est pas des nanas du coup. Ben, il roule en don't trip. Ah, des nanas, ouais. Quoi? Je croyais que t'as dit des nanas. Oh putain, il a un humour, ce Frenchy. Un humour bien français. Alors. Prochaine question. C'est à moi du coup, et j'en avais une en tête. Est-ce que je raid des biggies? Ouais. Dexter Manning. Ouais. Putain, bien vu, bien vu. Bon, vas-y. Ah, c'est à moi du coup. Australien, c'est un pays qu'on n'a pas. Ouais, qu'on n'a pas pensé. Alors que pourtant, il y a du lourd. Ok, j'ai. Nico? Non. Pas mal. Du coup, si, moi, one shot. Ambroise Troé. Non. Bon. Européen. Non. Asiatique. Non. Américain. Oui. Bah oui, oui. Oui, d'accord. Oh, mais la question du coup, est côte est ou côte ouest? Oui. Est-ce qu'il est sur le côte ouest? Non. Est-ce que tu parlais bien des États-Unis ou de l'Amérique en général? Du coup, est-ce que tu parlais du continent? Oui. Enfin, tu parlais du pays du coup? Ou tu parlais pas non. Du pays? Tu parlais pas du pays? Non. Ok. Amérique du Sud? Non. États-Unis? Oui. Ok. Tu m'as dit côte est, côte ouest, et du coup, je t'ai répondu. J'ai. Donc, je me suis dit, bah, ok. Ouais, mais ça portait grave à... Tu m'as dit Amérique. Je t'ai dit oui. Et après, tu m'as dit côte est, côte ouest, et du coup, je t'ai dit, bah. Je t'ai dit. Oui. Voilà, je t'ai répondu. Et du coup, t'es parti. Enfin, bref. Ouais, ok, d'accord. Allez. Allez. Salut, je suis Alex. Du coup, moi je dirais qu'il y en a qu'un seul. Et après, j'ai deux chances encore à ça. Ouais. Si je dis un prénom. Si tu dis un prénom, ouais. Chase? Non. Côte Est. T'as dit non pour la côte ouest, on est d'accord? Ouais. Ok. Et là, t'en as plus qu'un, toi. Ouais, je sais. Est-ce qu'il vit en Colorado? Ce serait côte ouest, mais... En fait, moi, je pourrais pas te dire où est-ce qu'il vit, mais c'est un rider de la côte est, tu vois. Enfin, il est catégorisé comme ça. Après, je peux pas te dire où est-ce qu'il habite et tout, tu vois. Mais je sais que c'est un rider de la côte est. T'en es sûr? Ouais. Ok. Oh putain, je crois, mais je suis pas sûr. Vas-y, c'est bon. Est-ce qu'il fait du free ride? Oui. Que du free ride? Non, il a fait des races aussi. Bah, non. Ah, je crois que j'en ai un en tête que tu pourrais avoir en tête. Mais j'ai pas en... J'ai... Côté... Ah non, je vais pas le dire maintenant. Bah, de toute façon, si c'est celui que tu cibles, tu peux direct aller dans les trucs précis, là. Ouais, je sais. Bah, mais... Ok. Du coup, je me souviens plus de son prénom, du coup. Ah, oui, c'est bon. Est-ce qu'il ride pour Valhalla? Non. Ah, merde. Ah. Est-ce qu'il ride pour Paul Peralta? Non. C'est compliqué, là. Est-ce que... C'est pas à moi, mais... Vas-y. Est-ce qu'il est jeune? C'est quoi, jeune? Est-ce qu'il est sous 30 ans? Non. Pas sous 30 ans. Bah, c'est Alex, du coup. Est-ce qu'il est connu? Est-ce qu'il a une marque? Ou est-ce qu'il travaille pour une marque? Oui. Est-ce qu'il vit sur le côte ouest à ce moment? Je sais pas. Côte est, non, on disait. Oui, mais il est du côte est. Mais je sais pas. Ah, okay. Je sais pas. Je peux pas te dire. Est-ce qu'il est encore avec nous dans cette monde? Oui. Faut que je regarde les news, mais normalement oui. Putain, c'est chaud en vrai. Ouais, en plus, je connais pas. Non, on connaît. On connaît, c'est sûr. Ouais, franchement oui. Vous l'avez déjà vu. On l'a tous déjà vu. Ouais. Est-ce qu'il était Euro Tour cette année? Cette année, j'en sais rien. Ah. Je sais pas, ouais, du coup. Bah, j'étais pas là. Plus, putain. Plus âgé. Il est plus âgé. Il travaille pour un marque. Il vit sur le côte est. On le connaît. Je sais pas où il vit. Je t'ai dit juste qu'il est connu pour être à la côte est, tu vois. Enfin, nous, on sait pas, tu vois, genre, c'est l'Amérique. Est-ce que je peux te demander une question générale pour... Enfin, oui ou non. C'est quoi le dernier marque qu'il a raidé pour? Mais en fait, il roule encore pour celle-là, donc... Est-ce qu'il roule pour un marque de skateboard? Elle doit faire des skateboards aussi. Bah, comme toutes les marques de board, quoi, au final. Enfin, il y a pas mal de marques de longboard qui fait des skateboards aussi, quoi. Mais toi, tu penses que cette personne, je l'ai déjà rencontrée en vrai, moi? Oui, tu l'as déjà vu en vrai, oui. Est-ce qu'il a serré la main? Oui, ça m'étonnerait pas. Ça peut, c'est pas... Voilà, c'est pas... Moi, j'ai encore deux essais. Ouais, et lui, il y en a un. Jeff Mongolowski? Non, je sais pas qui c'est. Putain, vas-y, c'est le seul côté au-dessus de 30 ans. Ouais, give up. Moi, je give up. J'ai gagné là? Je crois. Ouais, en vrai, t'as gagné, c'est bon. William Royce. Oh. Mais mec, il roulait pour Valhalla. Mais non, il roulait pour Bustin, mec. Mais il a roulé pour Valhalla. Il a fait des vidéos mythiques pour Valhalla et tout. Mythique? Ouais, je te jure, gros, en Colombie et tout, genre sous la pluie, il faisait des trucs de ouf. Je te jure. Valhalla. Et en plus, j'ai pensé à lui tout à l'heure. Ouais. Bon, je suis nulos avec mes... Bon, à toi, Alex. J'aime bien ce jeu. T'aimes bien ce jeu? Ouais. Moi aussi. Allez, c'est parti. Là, j'étais content, là. Mais du coup, il habite où, lui? Côte Est. Willem Reus, je crois qu'il est ouais. à Caroline du Nord, si je me souviens. Oh, j'ai... c'est bon, vas-y. Du coup, là, one shot. Tu le dis ou je le dis? Nicolas Robert. Je suis sûr, il y en a, ils sont partis manger, ils reviennent, ils sont là. Davis putain, Lanham. Mais... Ah bah tiens, wesh les ro. Salut. Davis Lanham. Salut. Davis Lanham. Martin. Davis c'est Martin. Lanham. Allez. Ouh, c'est la fiesta sur ce live. Grave. Putain, on voit même plus du coup. Mais c'est pas Martin, c'est... C'est Kiwi Technique. Ouais, Kiwi Technique. Du coup... Davis Lanham. Parle devant le micro. Non. Ni Davis Landham, ni Nico Robert. Je... T'es d'Europe. C'était qui déjà mon perso? Oh là là. Poporo. ouais, je suis d'Europe. Ok. Est-ce que c'est l'espace Schengen? Laissez-moi les vérifier. Est-ce qu'il est français? Non mais, hey yo! Mais que... vérifier, allez. Non, mais c'est. On c'est... avance là. Non, mais oui, c'est pas Schengen. À part s'il est de Hongrie ou quoi. Oh, ah. Il doit être de République tchèque, je pense. S'il est tchèque, ça veut dire qu'il est République tchèque. Non, mais non, parce qu'il est déjà en République tchèque avec un passeport. Enfin, un... ouais. Donc s'il est tchèque. Il est tchèque. Ouais, il est ouais, ouais. C'est... Ouais, ouais, c'est dans. C'est dans l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est quoi l'espace Schengen? Ah, c'est que tu on peux... va lui apprendre un truc aujourd'hui. Alors, nous les Européens... on a l'Union Européenne, qui est une union de nations européennes. Voilà, ouais. Qui votent et qui font... Ouais, ouais, ils font des trucs, voilà. Parfois ils font des sandwichs. Ouais. Et j'adore les sandwichs. Bocadillo. Ouais. Bocadillo, c'est... Jambon, fromage. Oui, bref, du coup, voilà, c'est... On t'apprend des trucs et toi tu nous chies à la gueule. Frenchie, frère. Et du coup, t'as l'espace Schengen qui est du coup la zone de libre-échange en Europe qui n'inclut pas les pays comme la Roumanie ou d'autres. Je m'en souviens plus. Ah ouais, la Roumanie, elle est pas dedans. La Roumanie n'est pas dedans, non. Eh bah, la ouais. Roumanie n'est pas dans l'espace Schengen. Écoutez bien ça, heureusement que vous êtes là sur le live. Hein. Ils sont dans l'Union Européenne, mais pas dans l'espace Schengen. Ça veut dire que t'as pas une zone de libre-échange. D'accord. De... Genre, faut ton passeport pour aller là-bas. Ouais, c'est le. Faut ton passeport pour aller là-bas. D'accord, je comprends. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans l'Europe centrale. Mais du coup, tu vois, la Suisse, c'est l'espace Schengen, mais c'est pas l'Union Européenne. Ah, c'est intéressant ça. T'es sûr de ça? Bah ouais. Bah ouais, bien sûr. C'est Benji. Hey oh. J'écoute en cours en fait, moi. Ouais, ouais, ouais, ouais, bien vu. Ah, mais non, attends, j'ai des maps où ils le mettent et des maps où ils le mettent. Oh, bon, bref. On s'en fout. Bah, t'es déjà allé en Suisse si t'as pas pris ton passeport. Voilà. Ouais, je sais plus. Non, mais je crois qu'ils ont en fait, ils sont pas dans l'espace Schengen, mais qu'ils ont des traités spéciaux, un truc comme ça. Ok, bon, bref. Ouais. Donc, on est dans l'espace Schengen. Donc, moi, je pense que ça va être un. C'est un tchèque? Non. La République tchèque est dans l'espace Schengen. Non, mais je sais pas. Est-ce que du coup, c'est dans l'espace Schengen. L'Italie. Non. Non, mais non. Il aurait pas cherché. Il aurait pas cherché, je pense, si t'es en Italie. Après, peut-être qu'il joue le bluff, hein. Parce qu'il est. Attends, c'est moi, les questions. Francophone. Non. Bonne question. À toi. Est-ce que la Pologne est dans cette région Schengen? Peut-être, mais... Non, il n'y a pas du Pologne. Pas de Pologne. Il est goofy. Oui. Je crois. Déjà pas mal. Ça élimine la 50% de la terre, les gars. C'est déjà pas mal. Moi, je connais pas si elle est... Il roule des dons de trip. Non, je c'est pas un blabla. Mais wesh, il roule des magnums. Oui, il roule sur des magnums en effet. Il est connu pour faire de la race. Alors, connu pour faire de la race, je sais pas. Donc, non. Je sais donc, pas. Non. Non, ouais, non, non. Ok. C'est à toi, Funchir. Est-ce que le. Angleterre, c'est pas dans. Oh, Pierce Darcy. Non, mais du coup, c'est dans l'espace Schengen, du coup, mon pays. J'ai vu. Pierce Darcy. Non. Putain, j'ai encore un essai. Est-ce qu'il est dans les îles de l'Angleterre? Non. Est-ce qu'il est dans les îles espagnoles? Non plus. Est-ce qu'il était à TST cette année? Oui. Oh putain. Est-ce qu'il a placé dans les top 10 à TST cette année? Non. Est-ce qu'il fait du longboard? Oui. Est-ce qu'il... Et c'est à moi. Vas-y, pose ta question. Je t'autorise. Est-ce qu'il est du Norvège? Oui. Olav. Exact. Je connais pas. Il est chaud. Ah merde, tu connais pas? Bah non. Ah merde. C'est tu connais pas qui c'est? Bah ça fait pas très longtemps que... Mais moi je fais pas de retour, les gars. Ouais, c'est vrai. C'est... J'en ai fait Désolé. Que un et j'étais DJ Koza. Ah, moi, je ah oui, c'est vrai, DJ Koza. Putain. DJ Koza. On le manque, le DJ Koza. À moi. Bon, un dernier, hein. Ouais, après, dernier. On arrête. Un dernier. Allez. Nicolas. Chris Manson, le dernier mec survivant. À tous ceux qui sont encore en live là, mettez 10 balles. A fait péter le cash. Eh, mais il est toujours là. Ouais, mais je suis sûr qu'il est parti, il est mangé et il revient. Non, il est mangé avec nous. Il a mangé avec nous. Putain, mais ça fait 1h40 qu'on est en live quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'on se fait? C'était bien marrant. Bon, normalement, en vrai, là, le podcast, il n'a pas été préparé du tout. Putain, il est trop marrant. Il a envoyé 10 balles écrit. Ah, c'est bien. Ok, nickel. Non, mais en vrai, ouais, du coup, pour le... ceux qui ont été là pour le podcast, c'était pas tant prévu que ça. Enfin, en fait, ça a été prévu une semaine à l'avance que je vienne. Et du coup, j'ai pas tant écrit de questions. Honnêtement, je savais même pas que tu venais à Barcelone jusqu'à hier. Ouais. Je croyais qu'on je t'en allait ai parlé. Le... Bah, je croyais qu'on allait le faire en visio, en Skype ou en Zoom. Tourne ton micro pour voir. T'étais dessus là? Ah, t'étais bien? J'étais okay. Bien. Ah ouais, mais là, mais c'est mieux. Bah ouais. Toi, tu parles comme ça en fait. Faut parler comme ça. D'accord, pardon, Bobby. Et non, mais, bien, bref. Non. Mais oui, du c'est coup. Un peu quand tu mets comme en ça. Vrai, en général, moi. Est-ce que je peux parler là 2 minutes là? Vous arrêtez vos petites folies. Du coup, généralement, les podcasts, je mets au moins un mois pour écrire, tu vois. Avec toutes les questions et tout, et pour que ce soit fluide. Et là, du coup, j'ai juste. Voilà, j'ai fait vite fait. Et puis voilà. Donc, excusez-moi pour le rendu. Et du coup, maintenant. C'est ta Frenchie de nous dire son rider qu'il a trouvé. T'as trouvé? Oui. Oui. Allez, one shot. Josh Evans. Non. Owen. Non. C'est ton copain? Ouais. Est-ce qu'il vient d'Australie? Non. Est-ce qu'il est européen? Oui. C'est son copain. Il est de la France? Non. C'était à moi. Pardon. Francophone. Est-ce qu'il est espagnol? Oui. Jeanne? Non. Okay. Est-ce qu'il est... Ah oui, du coup, nous deux, on a... Il reste deux, moi, il me reste un. Ok. Est-ce que vous trouvez dans le chat un peu là? Ouais. On n'entend pas le chat, les gars. Vous avez trouvé ou quoi? Donc c'est un espagnol. Espagnol, il vient d'Espagne? Oui. Donc c'est un espagnol d'Espagne. C'est pas un espagnol des... Tu vois, est-ce qu'il est de Barcelone? Oui. Est-ce que... C'est Alex, non? Non, c'est lui. Attends, j'ai dit est-ce non à Barcelone. Non, il vient de Barcelone. Oui, tu l'as dit. Du coup, c'est encore à toi, non? Si t'as dit oui. Ah oui, ok. Est-ce qu'il habite à Castelldefels? Non. Est-ce que je l'ai vu aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il est... Il est beau gosse? Très. Est-ce qu'il a les cheveux longs? Oui. C'est quoi ce... Oui, pas, c'est Albert. Ils ont tous les deux les cheveux longs. C'est Albert. Mais c'est Albert. Ah, oh, j'ai dit Paul. Et voilà, c'est sur ce qu'on va se quitter. Alors après, si vous donnez 10 balles, on peut peut-être rester encore... Attends. Demande-nous des questions. Il y a Kiwi Technique qui a dit « Andreas va chercher la CB de maman ». Et il y a Andreas qui a dit « Attends, j'arrive ». Viens, attends un peu. Vas-y. Vous avez des questions pour nous? Frenchie, t'as commencé quand le skate? À quel âge? J'avais 15 ans, je crois. Mais en plus... toi, je pense que tu vois, t'étais un gars qui devait commencer le skate, genre t'as dû couper un skate et genre comme ça, tu vois, genre il coupe le skate pour faire un longboard, pas très logique déjà. Et il allait dans la rue, quoi, je pense. Tranquille, hein. C'est ça? C'est ça. Putain, mais voilà, parce qu'en fait j'ai lu. Dans... Ça fait tout le podcast que je... Ah putain, mais il y a des gens qui ont pété dessus en plus. Je sais qui a pété. Je sais pas lesquels. Mais tout le monde a pété sur ses micros, frère. Oh putain de ça. Ils s'amusaient pendant 3 heures, ils étaient tous les deux là avec les micros. Ouais. Comme ça. Avec qui? Avec Sergio? Ouais. Ouais, c'était trop drôle. Là, ils sont en train de mourir. Est-ce que vous êtes chanceux ce soir? On vous entend. Allez. C'est un gamin. Babylon. Et du coup, on a perdu les 4 spectateurs qui étaient là. Ils ont dit waouh, laisse tomber les man. Ils ont mis le câblage. Comment t'as commencé le skate? Alors, moi, c'est un peu particulier en vrai. C'est... Ben, moi, il y a un mec qui est venu dans mon lycée pour présenter le longboard. C'est ça, exactement, il le connaît. Mais c'était dans mon collège. J'ai perdu mon doigt. Enfoiré. Et bon, bah voilà. Non, mais vas-y, raconte, parce que ça c'était dans le premier. En fait, ça c'est super intéressant. Ouais, du coup, ça c'était dans le premier épisode de la procession. Et en fait, c'était. Mais vu que l'audio était à chier, je te permets de raconter ton histoire. Et je reviens. Ok. Alors, du coup. Qu'est-ce que tu fais? Réponds la question! Mais remets tes pantalons! Putain, mais qu'est-ce qu'il faut à poil là? Oh putain! Réponds à la question! Il y a des gens qui sont sur le live, ils sont 3 et vous voulez qu'ils dégagent parce que vous répondez pas aux questions. Ok, alors. Alors. Alors, du coup, il y a un gars de la fédération de roller qui venait nous faire des cours de roller à mon collège et puis un jour il a plu. Et du coup, il nous a ramené dans une salle de cours et il nous a présenté tous les sports de la fédé. Et dedans, il y avait le longboard. Et puis, en fait, quand j'ai vu une vidéo de ça, je suis allé faire direct. Enfin, j'ai regardé plein de vidéos et j'ai fait chier mes parents en direct. Qu'est-ce que tu fais? Ça aurait fait. Non. Ah merde. Et du coup, t'as fait chier tes parents? J'ai fait chier mes parents pour avoir une planche pendant, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Et après, ils m'ont acheté une planche et puis je suis parti. Moi je trouve ça trop stylé qu'un mec est venu à l'école. Pas, c'était pas pour présenter le skate en descente. Mais de c'est base, quand même, ouais, non, mais après, enfin. C'est quand même par ton école que t'as du coup faire ça. En fait, c'est un gars qui travaille à la fédé de roller. Ouais. Non, mais c'est dans ton école que. Ouais, c'est clair. Il y avait des activités et tout. C'était un collège qui était grave orienté sport. Du coup, il y avait pas mal d'activités, ouais, de sports différents. Ouais. Tu sais, ils avaient les joueurs de foot et tout. T'es un sportif depuis la naissance. Ouais, ouais, je suis. Bon, en vrai, c'est que j'ai toujours fait du sport. Ouais. C'est un sportif. J'ai fait plein de sports différents. Ouais, c'est un réussir. Avant le skate. Et puis voilà. Ah oui, un truc quand même important. Le mec qui m'a vendu ma planche, et ben en fait c'était un gars qui lui-même pratiquait en fait et qui m'a donné des conseils pour des sessions initiation qui se passaient tous les jeudis au Transborder de Lyon. Et du coup je suis allé là-bas pour apprendre le skate et puis voilà quoi. C'est parti. Et puis c'était parti. Et puis après il y a le Banana Crew. Sur le Banana Crew d'ailleurs. Sur le Banana Crew comme d'habitude. Hein. Comme tous les podcasts, je crois, il y a un SO Banana Crew. Ah ouais, vraiment frère de fou. Incroyable. Incroyable. Moi, je raconte mon histoire ou pas? Ouais, vas-y, raconte ton histoire. Tu l'as jamais faite en podcast? Je sais pas. Bah, moi j'ai Benji. Envie de l'écouter. Benji. Mais toi aussi, faut que tu racontes ton histoire, du coup, parce que oui, j'ai spoil toi, tout. Toi, ah, moi, Prems? Ouais. Bon, déjà, merci aux Avengers qui sont trois, là, sur le live. Un athlète. Une athlète. Oui. Ouais, c'est parti. Et du coup, le man. Well done, senor. Du coup, moi, j'ai commencé le longboard. Comment j'ai commencé le longboard? Ouais, en fait, c'était le copain de ma sœur qui avait des potes qui avaient commencé le longboard, enfin qui faisait du longboard. J'ai trouvé ça trop stylé. Du coup, je me suis dit putain, vas-y, j'ai toujours voulu faire le skate ou tu vois un BMX, tu vois. Du coup, au final, voilà, oh j'ai dit beaucoup du coup. Et après, je suis allé me chercher une board. Et quand je suis revenu, j'ai dit moi, je vais aller avec les copains de l'ex de ma sœur pour aller apprendre. J'ai tout descendu une descente en. J'ai descendu toute une descente avec des chaussures pour être en tomate. Nous on appelait ça en tomate. C'était en botte. D'accord. Pourquoi en tomate? Je sais pas pourquoi, mec. On descendait en tomate. J'ai fumé mes chaussures, mes nouvelles chaussures. Je me suis fait niquer ma race par mes parents après quand je suis rentré. Et après, en fait, ils avaient tellement un bon level et que je me suis entraîné chez moi tout seul à regarder des vidéos, sortir dehors, tester, et rentrer, etc. Comme ça, tu vois. Voilà. C'est et beau. Puis, ouais, c'est le longboard. C'est quoi. Le classique. Ouais. Et toi, du coup, tu peux raconter ton histoire. Moi, j'ai commencé à faire des slides sur un skate dans des garages avec mes copains quand il n'y avait pas de surf. Et puis on a commencé à faire ça sur les routes. Et un truc que je t'ai pas raconté cet après-midi, c'est que j'ai fait un peu mon truc pour un an sans savoir que c'était un vrai sport. Je faisais des slides sur ma route. Mais après, un copain de mon père était coloc au université avec le mec qui a commencé Randall. Ah, si, tu m'en avais parlé sur la route de l'outdoor. Ouais, ouais. Ok. Et donc, il m'a donné un vieux board avec des prototypes usinés. Randall. Ouais, je crois, mais pas vraiment usé beaucoup. Non, usiné. CNC. Non. Ah. Non, cast. Ok. Mais 35-35. Ok. Et donc, je me suis planté. Donc. Après, j'ai découvert le skate, j'avais cette planche. Je l'ai détruit parce que c'était pas une planche hyper fort. Mais je l'ai bien ridé. Et puis, je suis allé à un race. C'était quoi la board, pardon? C'était un board complètement plate, mais avec les trucks. C'était plutôt pour les trucks. C'était pas vraiment tout l'ensemble. C'était un board pour faire voir les trucks. Mm. Mais... Et après, je me suis planté à un course et il y avait plein de vieux qui... Moi, c'était mon première course du skate et je me suis planté avec cette board avec des prototypes... Randall et tout. C'était trop drôle. Mais ouais, j'ai rencontré Nick Proms et tous les mecs de Sandy Crow. Ok. Alors attends, je rebondis sur Chris qui m'a dit Benji, t'as commencé, mais pas en France, si. Alors du coup, on a une... j'ai une anecdote terrible que je vais dévoiler parce qu'il y a Alexandros qui est là. Bon, je pense qu'on peut l'attendre. Mais là, franchement, l'anecdote vaut le détour. Assieds-toi, Alexandros, s'il te plaît. Dehors, il y en a un. Du coup, oui, j'ai commencé, du coup, moi, le longboard, j'ai commencé à Tahiti. Et puis, du coup, j'étais, je sais pas, j'ai fait peut-être 3 ans de longboard à Tahiti avant d'arriver en France. Mais du coup, j'avais quand même un... Enfin, je mettais des toe-slides, des port-slides et tout, donc ça allait, tu vois. Genre, ouais, le port-slide, tu vois, je faisais peut-être de 13 mètres port-slide, donc voilà, ça allait, tu vois. Et du coup, j'arrive en France et je me dis, bah vas-y, je vais faire une petite session, tu vois, pour aller rouler, tu vois. Donc, je vais sur le long skate crew, le 6-9, on représente toujours, hein. Et du coup, je mets une petite annonce, ouais, cherche du monde pour rouler et tout, nanani, nanana. Hop, qui c'est qui répond ? Alexandros. Ouais, man, viens sur le spot de Paris. Alors, à savoir que le spot de Paris, pour ceux qui ont été, donc je pense que tous ceux qui sont sur le chat, ils ont déjà été sur le spot de Paris. Moi, j'arrive, j'avais un petit niveau quand même... sympa, bref. J'arrive sur un spot plat, du coup, parce que c'est pas pentu du tout, Paris. Et puis bah j'essaie de m'amuser comme je le peux. Le petit loulou était là, il y avait l'autre petit loulou Ambroise. Et moi je mettais des toe sides. Et eux ils étaient choqués. Ambroise, il me disait, mais man, je comprends pas, t'es trop fort. C'est vrai ? Ouais, c'est. Bah, en vrai, j'ai pas le souvenir exact de ça, mais ça m'étonne pas, genre. Voilà. Du coup, ça m'étonne pas. Cette session se passe, et moi, je me dis, putain, bon, bah, le niveau en France, il est à chier. Je reprends mes clics et mes claques, et je vais. Voilà, ça me saoule. Du coup, je rentre chez moi, puis bon, ça me démange un peu la borne, hein, comme on dit. Et du coup, je me dis, bon, bah, vas-y, je vais aller à une autre session, à un autre spot, voilà. Donc, je regarde, hop, il y a une petite session sur un autre spot, et il y a encore Alexandros. Donc, je lui dis, ok, j'envoie un message à Alexandros, on s'était déjà vu à une session avant, tu vois, je lui dis, ouais, du coup, ouais, c'est chaud, moi, je suis chaud, on va skater et tout, ouais, ouais, il y a du monde, t'inquiète, vas-y, let's go, tu vois. Au final, il m'envoie l'adresse, et c'est un spot, je sais plus comment il s'appelle ce spot, c'est à Vez, là, derrière. Roche-Cardon. Roche-Cardon. Petit con, va. Et ça arrive pourquoi j'ai dit petit con. En fait, ce spot, il faut quand même passer. Si t'as l'adresse, en fait, il faut quand même faire tout un grand tour pour arriver sur le spot parce que c'est un peu. C'est soum-soum, tu vois. Et du coup, moi, j'arrive en bas du spot. Et du coup, j'appelle le Alexandros. Je l'appelle. Zéro réponse. Je suis rentré chez moi, bredouille. Et je n'ai plus entendre parler d'Alexandros et de longboard en France. Pendant un an, j'ai arrêté de rouler parce que des petits cons comme ça, j'en veux pas dans ma team. Voilà, c'est l'anecdote. C'est grâce à moi tout ça. C'est la... Ouais, grave. voilà l'histoire, les gars. Là, j'ai tout dévoilé, j'ai ouvert mon cœur à vous. Et on a une question, du coup, de Andreas. Pardon, excuse-moi, Andreas. Qui me dit, des conseils pour prendre du niveau en race. Bon, là, je vous laisse parler, hein, parce que moi, si vous voulez du conseil pour faire des boulettes de riz, je suis chaud, mais là... Faire du race. Je crois que pour moi, c'est le plus important. C'est l'expérience. Pratiquer, quoi. En vrai, moi, je dirais qu'il n'y a pas de secret, il faut s'entraîner. Et en vrai, je pense que d'ailleurs, Andrea, toi, t'as la chance d'être bien entouré. Un de ceux qui a commencé jeune et qui a le temps de vraiment prendre un niveau assez grand, tu vois. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner dans tous les cas, c'est entraîne-toi à fond et puis dans quelques années, tu seras super chaud. T'es déjà très chaud d'ailleurs. Ah ouais, va à des courses. Et offrirai drop avec les gros, même si c'est à l'arrière du pack. T'apprends tellement à regarder les gens qui... Ouais, grave. Même... Il y a énormément raison. Ouais, c'est drop avec les gens qui sont vite en freeride, en race, Regarde-les, apprends. Et du coup, mental? Une technique pour le mental, peut-être? Mental, c'est quelque chose que moi, je suis en train d'apprendre. Donc, je peux pas vraiment donner trop de conseils. Être toujours à fond. Et l'hiver, tu profites comment, du coup? Tu faut continuer de skater, à fond. Devine qui est sur le live. Nico, Robert. Nico, on t'a appelé plein de fois. C'est dommage, ça. Bon, on repart dans le jeu. Le gars qui suit. Fatigué. Voilà. Du coup, Nico, si t'as des besoins de conseils pour t'améliorer en race, on peut. Bon, du coup, en vrai, là, en plus, on allait. Bah, si vous avez d'autres questions, allez-y, les gars, c'est le moment. Parce que. Non, faut parler, il y a Nico maintenant. Ah ouais? Il y a Bossman. Bah, vas-y, parle, man. Mec, ça fait 2 heures qu'on stream. Bah, c'est bien. Oui! C'est amusant. Mais j'ai plus d'idées là. J'ai plus quoi parler. Je suis rincé là. Il y a Nico qui dit racontez-moi vos vies. Bah, écoute, l'hernie discale toujours là. J'ai fait 8 heures de trajet dans un bus. Je m'en vais plus. Je suis assis dans le canapé. Ça va j'en peux plus. Depuis 2 heures, je suis assis sur le canapé. J'ai tarpin mal au dos. Mais sinon, ouais, j'ai bien visité Barcelone toute la journée. C'était bien cool. Il fait bien chaud. Je pue, j'ai toujours pas pris de douche depuis ce matin. Et c'est la putain de skate life. On est dans un appart royal. Je suis trop content. C'est trop cool. Voilà. Voilà ma life du jour. Et vous? Du coup, je dois raconter ma journée aussi. Bah, j'ai bossé. J'ai bossé et puis je les ai rejoints. Voilà. T'as quoi? J'ai bossé. Et t'as quoi? Je vous ai rejoint. Ah, vous avez... Ah, pardon. Ma journée se résume à ça aujourd'hui. Moi, je suis allé aux salles de sport. Non, mais ça intéresse personne en fait. Ta life. Je suis allé aux salles de sport. <T'as l'enfoiré. rire> Ah, la salle de sport. La salle de sport. Ah, là. Ah, c'est là. Une salle de sport. Une salle de sport, c'est bien ça. Ah, la salle de sport. Et puis j'ai fait le guide pour Benji. Ouais. Bon, c'est clair. On s'est perdu ensemble. C'était mignon. on a mangé du wok. Ça... Oui, wok, c'est pas mal. Trop bon. Ouais. SO le wok. Trop bon. Et puis on. On n'a pas ce qui est. Siesta. On n'a pas ce qui est. Ah oui, la petite nappe. Oh, oui. J'ai pris des coups de soleil, frère. Ah ouais? Mais tout à l'heure j'avais le visage tout rouge. C'était un truc de fou. Pourtant t'es haïtien. Ouais. Il y a Sergio qui dit mais mec tu fais pas genre que tu viens de Tahiti. En fait faut commencer les lives à 22h. Il y a plus de personnes maintenant que durant tout le live. Ah ouais? Ouais, c'est les Avengers. Avengers. C'est un bug. Parce que moi, c'est bloqué à 2 spectateurs. Non, on est à 6 là. Allez. 6. Ouais. Ah, oui. Il y en a qui bossent. C'est quoi ton board préféré sur le marché du longboard? 9,81. Comment c'est construit les 9,81? Bah, attends, on va la montrer du coup. Ah. Tant qu'à faire. Ah, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a 20h, c'est pas le. Tu rides quoi, Benji? C'est quoi ton matos? Moi j'ai 9,80. Mais à part. Des Ronin. D'accord. En 140. Attends. Des Ronin en 140 avec des Magnum. J'ai jamais skaté avec toi en fait. Ouais, je crois pas. Hein. En vrai, je crois que. Mais bah après, t'es trop fast, man. C'est dur, hein, la vie. Ouais, mais comme mettre un micro devant sa bouche, hein, c'est compliqué, je crois, hein, pour toi. C'est même très compliqué. Et toujours très bien orienté. Super les gars. Du coup, c'est quoi ta board, mec? Tu peux la montrer? Par contre, j'ai adoré J'ai adoré dans ton vlog, à un moment il y en a un qui dit j'ai une board et toi tu bip et tu mets gros 9,80 là. Ah, ça m'a fumé gros. Non, j'étais dead. Et donc moi je ride. Rolling Tree? Non, Madrid. Ah, Madrid. Ça fait longtemps que je ride pas Rolling Tree. Ok. Madrid avec des. Oops. Des rogues. Et t'as reçu les Elous? Non, ils sont en France. Ah! Ah! Dommage. Mais... T'aurais pu faire un petit retour là, ça aurait été con. Enfin, ça aurait été cool, pardon. Quoi? T'aurais pu faire un retour. Un retour? Bah, pour les Elous. Mais vu qu'il les a pas. Voilà. Toi, tu penses quoi? Que ça va être. C'est game changer les Elous? Non. C'est pareil que les Ronins. Les Rogues? Rogues, je crois que ça va être un peu différent. Le Bushing Seat est un peu plus restrictif. Tight. Un peu plus tight. Sur les Elous? Ouais. Ok. Donc je suis intéressé de voir, mais je crois pas que ça va être. Je crois que ça game va changer, être plus, hein. Plutôt freeride, small truck. Mais on verra, j'ai rien testé. T'es pas fermé à l'option? Non, quoi. Non, non. Mm-hmm. Pas du tout. J'aime bien essayer les nouveaux. Le nouveau matos. T'as déjà essayé les Rochas usinés? Les vieux. Usinés, non. Non. Mais j'ai beaucoup aimé les vieux. Je les ai ridés pour 2 ans. Ah, ok. Ah non. Et pourquoi t'as changé? Parce que. Ils ont des très limites. Très gros, ça. Ils ont des limites. Ok. Et toi, t'en as pas? Et moi, j'en ai pas. Non. Le plafond, ça m'arrête pas. Mm. Mm. The sky. The sky does not stop me. Ouais. C'est pas le limite, le sky? Non. Ah, putain. Moi, je vais à l'espace. Oh. Elon Musk est avec nous ce soir. J'allais dire. Non, mais. Je sais pas, j'aime bien rider des trucks nouveaux. Et Rogue m'ont donné des trucks à tous. Donné? Putain, mais l'Amérique, c'est le pays de rêve pour avoir des trucs gratuits, hein. Les roues. Ça, c'est un, bah, c'est là où il y a le plus gros développement aussi. Je crois que ça, c'est un bénéfice du skate en States. Mm. Des opportunités. Ouais. Bah, après, nous, on en a aussi, hein. Oui, avec 9,81. Ah. J'aime bien les produits nous... européens. Mais le truc, c'est que nous, ici, on doit les créer, nos opportunités, quoi. Oui, c'est sûr. Alors, dans tous les cas, vous devez les créer aussi aux États-Unis. Oui, je dis pas que tu dois pas les. C'est différent. C'est quoi le bail de CDF pas sûr en automne? C'est quoi le bail du CDF? C'est quoi, ça va... Ouais, j'avais entendu ça. Ouais, moi aussi, mais je sais c'est pas. Je suis pas au courant. Ah, ok, ouais. C'est. C'est en France? Ouais, je sais pas. Non. Ah, ouais. On pourrait faire notre jeu, mais avec des collines. Avec des spots? Avec des spots. Oh! Oh. Pas mal. Est-ce que j'ai des cours plutôt voûtu ou farfelu? Vous avez testé les nouveaux Valkyrie? Non, mais j'aimerais bien. Ambrose. Oh là là. Où est-ce que tu es? Yaya, il fait 2,17 sans vent de face. C'est pas mal, c'est pas mal. Moi j'aime beaucoup là. Il y a une bonne ambiance dans le chat. Vous êtes chaud le chat, hein? Ils sont très chauds. Wouh! Mais non, le dream. Bah, bah, bah. Je crois qu'on va. Alors. Il a fait quoi? 2,19. Ah, je vais vous laisser. Il avait, dans tous les cas, il avait moins de vent que les autres, mais il avait. J'ai pété. Comment? Le chat, il est trop chaud, ça fait trop chaud. Bah, ouais, c'est trop chaud. Envoyez des question, dons. Question, plein question, de dons. Plein de dons et des dons et des questions. Question, dons. Question. Question. On fait un jeu. C'est. Mon spot, j'ai un spot en tête. Ok, est-ce que c'est un spot connu pour des Rouen? Oui. Est-ce que c'est aux États-Unis? Oui. Tu t'es cassé la gueule là-bas? Non. Ok. Jamais. Non. Ok, est-ce que c'est. En fait, le truc, c'est que je connais pas le nom du spot, mais tu sais, c'est le Big Mountain Pass là. Non. Avec. Non, c'est pas ça? Non. Est-ce que c'est en Californie? Oui. Est-ce que c'est une course mythique? Non. Est-ce que... Tu connais? Ouais, t'as déjà vu les... Est-ce que c'est un spot à côté de l'océan? Oui. C'est Ocean? Ocean View! C'est Ocean. C'est quoi ton spot préféré? Mon spot préféré, en vrai, moi je dirais ton c'est... top 3, parce que c'est impossible. Ok, ouais, ouais, mais en vrai, j'en ai quand même un qui m'a vraiment marqué. C'est celui à Grenade. Celui à Grenade, il est vraiment, vraiment, vraiment dingue. Genre. Ah, pardon, vas-y, pardon. Dis-moi, dis-moi. Non, non, mais vas-y, finis. Spot à Grenade, il va vivre à Grenade l'année prochaine. Moi, c'est... j'ai une question. Est-ce que Marie, c'est pas surcoté? Comment? Est-ce que Marie, c'est pas surcoté? Marie, c'est pas surcoté? Ouais. C'est quoi surcoté? C'est quoi ce spot, c'est... il me dit. Mais du coup, il parle entre eux. Super. C'est overrated. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, c'est overrated. Okay, du coup, ce spot, c'est un spot qui est du coup à une heure de Grenade, un truc comme ça. En gros, tu prends la voiture depuis Grenade en Andalousie et tu vas en direction de la mer. Et genre, à partir de la mer, t'as une route qui. Enfin, t'as même plein de routes qui démarrent à monter dans la montagne. Et tu montes, t'as un spot. Tu remontes au-dessus, t'as encore un autre spot. Tu descends, t'as un spot. Tu montes, t'as un spot. Tu descends, t'as un spot. Tu descends, t'as un spot. Et c'est comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Et parmi un de ceux-là, y en a un qui m'a vraiment particulièrement marqué. C'était celui, justement, où j'avais fait le rerun pour 981 avec les arbres roses, là. Ouais, les arbres roses. Et même, t'as cet effet-là, genre, sur ce spot... Ou genre en mode, tu sais, ça descend de plus en plus, en fait, la montagne, ça descend de plus en plus, et du coup, t'as l'impression d'être sur une mini-planète, en fait, quand tu descends. Ah ouais. En vrai, c'est vraiment incroyable, je trouve, ce spot, parce que tu vois jamais vraiment la fin de... Tu vois jamais, genre, la T'as fumé combien de pétards avant d'y aller? J'ai pas fumé. Ah. J'avais pas fumé, parce que on avait fait un trajet de 24 heures en ah bus. Ah ouais. Et que j'étais, 24 j'étais... heures. Ouais, pour y aller, et puis attends, pour retour c'est encore pire parce que j'ai loupé mon bus. J'ai loupé mon bus, mec. Ouais, t'en souviens? Oh là là, en plus ils avaient filmé ces bâtards, ils avaient mis sur la conversation et tout avec tout le monde. Oh là là, c'est genre en mode je les avais appelés, eux ils étaient dans le bus, et genre il y en a un qui répond et qui met en haut-parleur et l'autre qui filme, tu vois. Et genre il y a moi la voix du matin du mec qui avait fait la fête la veille. Et qui fait oh vas-y les gars, je suis au bout de ma vie, putain. Ce spot est cynique, il a l'air dingue, et puis c'est narrow un peu, non. Ouais, en vrai, c'est un peu narrow, je dirais que c'est genre un peu comme Kozakov, en fait. C'est un peu comme Kozakov, au niveau de la largeur, c'est quand même assez étroit. Mais justement, je trouve que c'est ce qui fait aussi la beauté du spot, et le bitume, il est parfait. En vrai, pour moi, c'est un Kozakov en évolué, ce spot. Je pense que Nico, tu l'avais pas raidé, mais tu l'avais vu ce spot et... Je sais pas, t'as sûrement vu plus de spots que moi dans ta life, mais... En vrai, moi, c'est sûr dans le top 3. Fiche. Top 3 de ouf. L'autre que Yanis, bah justement, le run de Yanis, là, je le kiffais aussi ce spot, mais quand même un peu moins. Genre, je le trouvais en soi... les deux, ils étaient un peu dangereux, mais celui-là, il était particulièrement dangereux parce que t'avais des grandes enfilades, t'arrives à 90 et t'arrives dans des enfilades genre gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et à 90 km droite, gauche. Et sauf qu'en fait, genre t'as le ravin, tu vois, et là, t'as le ravin juste à côté, quoi. Et ouais, il est bien ce spot, mais je le trouve plus stressant quand même. Pour revenir sur l'anecdote que t'as loupé ton bus. Ah oui, j'ai loupé mon... On reçoit une photo. De Yanis et Ramon dans le bus, et ils prennent en photo, il y a un siège vide, et ils disaient qui est-ce qui est pas là à votre avis? Et genre mec, tout de suite on a gueulerie. Et en fait on sur la conversation on dit il y a quelqu'un qui dit c'est inquiétant un peu, tu vois, il y avait du monde, tu vois, sur la converse. Et et après on réfléchit, on fait en vrai c'est inquiétant si c'est pas Alexandre Ross. Oh, enfoiré. Allez bâtard. Allez, bâtard. Mais mec, et tu nous as raconté en fait, ils nous ont raconté comme quoi eux ils sont partis plus tôt de la soirée parce que justement ils avaient le bus, ils se disaient vas-y, nous on a le bus, on va rentrer maintenant, tu vois. Et toi t'as dit non, moi je reste. Et puis du coup le lendemain matin ils avaient pris tes affaires et tout. Ouais, mais en vrai tu sais que en plus le pire c'est que genre vraiment ça m'avait tellement surpris parce que mon pote il avait mis genre 5 réveils. Parce qu'on dormait dans le même lit avec un mec de là-bas, genre un local, un poteau du coup qu'on avait rencontré là-bas. Et lui, il avait mis 5 réveils, et moi, j'avais mis 10 réveils. Et j'en ai pas entendu un seul. On n'en a pas entendu un seul. Genre, je te jure, genre, on est. Je pense que c'était la semaine de skate. Genre, où vraiment, j'étais mort de chez mort. En plus, on avait fait le voyage avant et du coup, j'ai jamais eu le temps de me reposer parce qu'on enchaînait, on skatait. Et on était tout le temps fatigués. Et je pense que là, le dernier soir, j'ai fait la fête. C'était le soir de trop. En vrai, fallait genre au moins que je me repose un jour avant de pouvoir le faire. Nico, dis pas ça dans les. Après, je dis, viens, on le ban. Non, non, mais toi, en plus, t'as le droit. Je sais pas pourquoi je t'ai mis admin de mon truc. Ah ouais? Oui. Bagnole. Non, putain. mais putain, t'es trop con. Je rigole. Admin, bannissement de l'utilisateur. C'est bon. J'arrête. Il vient quand en Californie? Voilà, c'est bon, je l'ai unban. Il vient quand? Monsieur Nico? Non, les Français. Ah, les Français. Il a plus accès au live, je crois. Putain, salaud. T'es viré, Alex. Merde. Envoie le skate. Il a dit quoi, Alex? Grenadine, t'es viré, Alex. Non, mais... Renvoie le skate. Hein? Non, il a ban Nico du live. Grenade The Place to Be, du coup. En vrai, pour moi, enfin, je l'ai répété à je sais pas combien de gens, hein, je pense. Frenchy, je pense qu'il doit être saoulé, tellement que je l'ai dit. Mais en vrai, pour moi, c'est vraiment The Place to Be pour. En gros, pour les spots. Truc, pour les spots, ouais, en tout cas. En fait, Andreas, le truc, c'est que pour pouvoir faire quelque chose de vraiment bien là-bas, je pense qu'il faut faire une skate house, quoi. Moi, je vais, en vrai, de vrai, je vais essayer de motiver les gens l'année prochaine pour partir avec moi à Grenade et qu'on fasse tout ça là-bas parce que c'est incroyable. En plus, la vie, elle coûte pas cher, tu vois. Ici, Barcelone, c'est quand même un peu cher. Ouais. Et c'est ça aussi qui me faisait la différence. Genre, en vrai, le truc, c'est que je dois bosser plus longtemps pour payer mon loyer ici. Alors que si j'étais là-bas, je mettrais moins de temps à bosser pour payer mon loyer et même toutes les choses de ma vie. Enfin, genre là-bas, tout est beaucoup moins cher. Et en vrai, ce serait beaucoup plus simple pour moi rien que en termes de temps que je pourrais consacrer en termes de projet de skate. Parce que là, je commence à m'y impliquer. Mais en vrai, à chaque fois, je reviens sur mon temps de travail, par exemple, pour le montage, quoi. Mm-hmm. Mais ouais, j'espère que ça va se faire, que... En tout cas, il y a vraiment trop de potentiel là-bas. Genre, si j'arrive à motiver une bonne équipe, pour l'instant, j'ai pas envie de mettre la charrue avant les bœufs, mais il y a peut-être des gars qui sont chauds. Je spoil un seul, peut-être Amboise Troy qui viendrait avec moi. Et puis voilà, quoi. On ferait du sale. Voilà. On va faire de la sale vidéo là-bas. On va s'entraîner à fond. On va vivre la skate life. En Andalousie. Vous arrivez un peu à dégager des sous du longboard, du coup? Oui. Moi, je commence. Je commence. C'est long? Bah, je pense que oui. C'est long et c'est pas beaucoup. Ouais. Pour l'investissement, c'est pas... C'est moins que l'investissement. Bah, après, moi, maintenant, j'essaie de le voir comment je pourrais... voir ça vraiment d'une façon business, tu vois. Et en vrai, je me dis, il y a quand même des choses à faire, tu vois. Même genre si tu fais des gros projets, moi je pense par exemple au cinéma, tu vois, genre des trucs comme ça, tu vois. Enfin, je te parle pas forcément d'un film que quelqu'un pourrait écrire et tout, enfin genre enfin, faudrait faire un film que nous on écrit, tu vois. Et ça, c'est des trucs que j'ai envie de faire, des films. Et je pense que Bisonico. Si t'arrives à bien gérer des projets et tout comme ça, tu peux réussir à dégager des revenus, tu vois, au bout d'un certain moment. Ouais, et du coup, Andreas, il demande si... Est-ce que tu vas essayer de vivre du skate? Ouais, en vrai, c'est l'objectif un peu. Pour l'instant, j'ai... Putain, on a eu un débat avec Adrien à midi par rapport à ça. Comme quoi, moi, tu vois, genre, j'aimerais pas vivre du skate parce que du coup, c'est mon défouloir, tu vois. Et en sachant que c'est ton taf, t'as plus ce truc de tu souffles et c'est là où tu ouais, tu souffles, quoi, tu vois. Genre, en sachant que c'est ton taf, ça me ferait peur de cet aspect-là, quoi. L'année passée, j'ai perdu cette pas l'envie de skater, mais une appréciation. J'ai perdu un peu. Est-ce que, ouais, du coup, tu vas à une session, tu vas te dire, ok, faut que je filme, tu vois. Tu vas pas dire, ok, je vais skater, tu vois. C'est moi. moi non, ces jours-ci c'est moins filmé, mais c'est c'est vraiment être concentré la sur... perf. Ouais. Ok. Et c'est une chose qui m'embête pas trop, mais c'est vraiment à les événements. Moi j'aime bien l'aspect performance, voir les détails. Ouais, après c'est un en fait tu déplaces ton bonheur au moment de la race quoi. Oh, tu vas pas avoir ton bonheur à la session, mais tu auras ton bonheur à la race. Je crois que c'est un perte. Je crois que c'est un avantage d'avoir le bonheur à les races. Mais je pense que même nous quand on tu vois quand on fait des run paquets et tout qu'on va tout ça à balle, on kiffe de ouf en vrai. Ah oh, non, oui, ça je kiffe. Oui. Ça c'est justement moi, ce qui me motive aussi à aller vite. C'est sûr, mais il y a des jours où je me fais dépasser, je peux pas prendre un virage correctement, et puis je suis dans un déprime. Ouais, mais après ça, c'est sûr. Comme, je pense que t'es pas le seul à qui ça arrive. Oui, c'est sûr. Mais je crois, tout le monde où ça s'arrive, je crois que c'est quelque chose de... Je lis un peu les commentaires qui sont passés, du coup. Martin qui dit... Peut-être pas en vivre, mais avoir un revenu passif, ça doit faire plaisir. Je suis d'accord avec lui. Ouais. En fait, si t'es pas full dedans, je pense que là, tu peux te dégager, justement, payer tes freerides, payer tes roues, payer tout ça, et là, franchement, t'es bien. Et Nico qui dit, il faut garder ça comme une passion avant tout, les boys. Le jour où tu dépends de ça, tu te dégoûtes vite, vu comment ça va mal payer. Okay. Ils ont tous raison. Ouais, de toute façon, c'est des visions, en vrai, on en parlait, s'il y en a qui sont... Je crois qu'il y a le potentiel pour en vivre. Après pour faire que... Ouais. Pas pour nous, je crois pas dans notre génération, peut-être. Peut-être, mais... mais je crois qu'on peut le construire dans la manière où il y a des gens qui peuvent en vivre plus tard dans la... Dans le timeline. Moi, je pense aussi que c'est à nous de créer tout cet engouement, tu vois. De faire avancer le truc. Bah ouais. Bah ouais, c'est sûr, mais... Quand tu vois les projets comme Ambroise y fait avec les records et trucs comme ça, c'est des trucs comme ça qu'il faut faire pour... C'est sûr. Actuellement, combien de gars dans le monde vivent du longboard? Franchement, mec. Oh, t'en as pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Denerley, il vit pas ça, lui. Ok. Brandon Denerley. Oui, mais c'est pas vraiment le... Je parle dans le micro, mais après... C'est pas vraiment le DH, mais... Ouais. Il vit du skate. Ouais, il vit du skate, par contre. Il vit de la community... Enfin, il est community manager, Harry, je crois. Hein? Harry Clark. Ok. Je crois. Ouais, ah, okay. Il travaille pour Madrid aussi, je crois. Il travaille pour Madrid, mais c'est... C'est... Dans la manière, c'est vivre du skate. Diego. Je pense. Je sais pas son situation, mais... Je crois qu'il a des gros projets... dans le futur et... mais à part ça je vois moi je paye pas pour skater. Putain, faut que j'ai fermé la fenêtre. Je paye plus pour skater mais je paye pour voyager. Pourquoi? Pour voyager, ça me paye pas encore les voyages. Mais bientôt. Ouais, on est là, hein. Après, faut essayer aussi de débloquer, enfin, de structurer tout ça, quoi. Genre, quand t'es un athlète, tu vois, dans le skate, on n'a pas cette vision-là, business, comme il y en a dans les autres sports aussi, je trouve. Parce que, bon, après, c'est bien aussi, tu vois, d'un certain côté. C'est bien d'avoir cet aspect-là du skate. Mais je pense aussi que, tu vois, si on veut développer le truc dans le sens où on veut devenir des professionnels du longboard, être payé pour ça, tout ça, et ben faut professionnaliser le truc dans le sens où va falloir créer la propre fédé, la propre structure qui a ses propres sponsors ou avec une rediffusion à la télé, une vraie communication derrière tout ça, quoi. Oh, je t'avais raconté, moi, que je vous avais vu à la télé. Ah ouais? Mec, j'étais en train de boire une bière à Clermont-Ferrand, frère. Et genre, là, il y a une pub, parce que c'était pendant un match de rugby. Et là, il y a une pub, mec WDC, gros. Frère, j'ai pété mon crâne. Un pub pour le WDC? Ouais, mec. J'ai pété mon crâne, frère. Mais... Sérieux, où ça? À Clermont-Ferrand, gros. Mais t'es en train de boire une bière dans un bar. Dans un bar. Il y avait un match de rugby. Pub, WDC. J'ai vu Yanis. Je t'ai vu toi. Mais j'ai vu Frenchy, gros. Je te jure, gros, j'ai pété un câble, gros. Il y a mec, il y a 3 mois, tu vois, truc comme ça. C'est récent, quand même. Ouais, ouais, bah oui. Mais comment c'est que tu m'en avais pas parlé? Mais. Je sais pas, parce que je. Je savais pas qu'ils investissaient dans. Mec, je suis pété un câble. Mais parce que tu sais, en fait, il. Tu pouvais voir les lives WDC si t'avais une chaîne chelou en France, là. Trail, ça s'appelle. Ouais. Et bah, c'était ça. Trail. Je pense. Interesting. Ouais, mais mec, j'ai fini ma bière. J'ai gueulé. Je te jure. Cole est payé pour skater ou par Insta? Cole, parle dans le micro et après vas-y. Cole, il vit du skate. Il okay. vit du skate. Mais c'est parce qu'il est payé par Prism. Prism Caliber Blood Orange. Celsius. Ah ouais, Instagram. Truc de... ouais, okay. Il vit du skate, c'est. Bah ouais. C'est pas cool. Il a une supra, ah, mec, en lui, plus. Il a une vie trop bien, lui. Il sait bien. Il sait bien. C'est pas un truc, il avait un contrat de 6000 balles chez Prism? Je sais pas son contrat. Je crois que personne connaît son contrat. Bah appelle-le, non? Allez, on appelle Cole. Ah, pour combien t'appelles Cole, Frenchie? Pour 20. Pour 20, allez. Je crois pas qu'il va répondre. C'est pas grave. 1, 2, 3, 6. Dommage, on aurait pu avoir une petite exclue, les gars. Rien que pour vous. Vous me lâchez 10 balles et on refait un pour combien? Allez. Venez, sinon on fait un jeu, on doit appeler quelqu'un dans le répertoire, on regarde pas comme ça. Bim. Ouais, McFly et Carlito. Ça c'est dangereux, ça, en vrai. Ça c'est un truc dangereux, ça. Mais mec, mais non, mais jamais de la vie, gros. C'est une blague, Frenchy, gros. Hop là, maman. Oui, allô, maman, on est en live. Martin, va te faire foutre, Martin. T'es une merde. Qu'est-ce qu'il a dit encore, Martin? Lui a chié le live, mais Martin, toi, mais. Mec, moi je pense que je vais faire un. Ah, mais on va le ban, en fait. Allez. Ça dégage. Déjà, tu vas te prendre une heure de ban, toi. Non, je vais te mettre 4 minutes pour l'instant. Hop, les. Voilà, allez, un ban 4 minutes, ça part. Il va fermer sa bouche. Tu sais qu'on peut pas donner Benji. Ouais, ouais, je sais. Mais bon, en vrai, au pire, tu me lâches un petit billet, un de ces 4. Alors. Tu payes ta bière, à la limite. Non, mais ça, j'en veux pas, bon. Oh, putain, ça, il est libéré, le con. Hein? Serre? Putain, mais il fait l'école 42, gros, il a hacké Twitch, frère. Mais ta gueule. Ah, mais non, c'est. Non, c'est vrai. Mais non, toi, t'es pas admin, moi, j'ai pas admin. Admin. T'as fait ton truc de hacking, là? Salut, je suis Martin. Oh. Salut, Martin. Je vais voir Roshi. Je vais voir Captain Roshi. Ça va être trop bien. Attends, 4 secondes au lieu de 4 minutes. Putain, fais chier. Golemon, oh, mais allez, hop, tu vas prendre un bon. Allez, 4 minutes. 4 heures au lieu de 4 minutes. Allez, prends-toi ça déjà. Après, on reparle. Oh, faut vite clôturer le live, oui. Comme ça, il pourra pas dire au revoir. Tu peux envoyer de l'eau, s'il te plaît. Non, bah les refs, en vrai, là, on va arrêter là. Hein. Bah, j'avoue, ça fait combien de temps, là? Mec, ça fait 2h30, frère. Nice. Voilà. On a commencé sur une vidéo de Diego, on finit sur Alexandros qui boit de l'eau. Bisous, ciao. Rider. Ciao. J'ai parlé dans le micro, finalement.